Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Twitch et sur Next Gen Auto. J'espère que vous allez bien, hein, que vous avez passé un joli mardi, un joli lundi aussi, un joli Grand Prix de Russie. Et ça, eh ben, c'était pas une phrase que je m'attendais à vous dire en prélude de cette émission, mais on a eu un joli Grand Prix de Russie du côté de Sochi. On va évidemment en parler ce soir. Bien sûr, la 100e victoire de Lewis Hamilton. Le chiffre magique est enfin arrivé. Ça, c'est quand même assez fou. La première pole position de Lando Norris. Ça aussi, c'était pas forcément du prévu, mais c'est arrivé et c'était bien sympathique à suivre. On vous parlera bien sûr de cette averse, de cette fin de course complètement folle. Et puis voilà, on va bien s'amuser encore pendant une heure et demie ensemble avec notamment la Manu, comment ça va? Écoute, salut Michael, salut à tous, ça va très bien. On a eu effectivement un beau week-end un peu inattendu. On a eu un beau week-end alors qu'on a failli avoir un samedi complet annulé par la pluie. Donc finalement, ça en est bien sorti. On a eu des belles qualifs, une belle course. Et donc beaucoup de choses à dire ce soir. Donc tout va bien. Ce qui est formidable, c'est qu'on a passé notre temps la semaine dernière à vous faire la preview du Grand Prix en vous disant non, mais alors écoutez, on peut faire les qualifs dimanche matin parce que vous voyez, parce que on va peut-être devoir mettre les courses de Formule 3 le vendredi. Et finalement, il a fait relativement bon, mon cher Franck. C'était pas mal ce samedi et puis ce dimanche aussi du côté du Grand Prix aussi. Comment ça va? Salut tout le monde, écoute, ça va très bien. Et on en avait parlé, on s'est dit que cette saison réservait des surprises à tous les Grands Prix et on avait raison de penser aussi que Sochi pourrait le faire et c'était le cas. Oui, la météo nous a épargné sur ce coup-là. Elle n'aurait pas épargné toutes les petites séries support, mais pour la F1, ça a été absolument top. Tout s'est bien passé. Donc, franchement, un très très beau Grand Prix de Russie. Beaucoup de rebondissements encore. C'est franchement voilà, une saison magnifique et j'ai hâte qu'on débriefe ça ensemble. Comptez-nous hein, maintenant, parce que je vois dans le chat, c'est bien un qui commence à dire c'est trop bien Sochi, ça y est, ça devient lourd cette blague sur le Grand Prix de Russie. Ben voilà, on va commencer à mener maintenant la charge. Laissez le Grand Prix de Russie à Sochi, n'allez pas y Cora Drive, nanana, c'est bon. Nous, on est bien contents. Écoutez, voilà, c'est au moins un Grand Prix de Russie aura été vraiment sympathique, parce que même avant que la pluie n'arrive, on était vraiment sur le bord de nos fauteuils parce que la stratégie était prépondérante et puis les bagarres dans le peloton étaient quand même extrêmement sympathiques. On a la bataille entre Charles Leclerc et Sébastien Vettel qui, ma foi, était fort divertissante. Il a failli se terminer trois fois en un énorme accident avec une heure et demie de nettoyage de débris, mais au moins ça s'est très bien terminé. C'était très sympa à suivre, bien sûr, mais on va commencer évidemment ce débrief du Grand Prix de Russie par la 100e victoire de Lewis Hamilton. Si certains doutaient encore évidemment de sa place parmi les plus grands des plus grands, eh ben là maintenant il répond encore une fois avec ce 100e succès, un nombre à trois chiffres. Ça, j'avoue qu'on était personnellement, j'aurais pas prévu que ce succès arrive aussi vite, hein, parce qu'on rappelle que Michael Schumacher a gagné son 91e succès qu'il n'y a 15 ans finalement, hein. C'était pas si longtemps que ça, et depuis eh bien Lewis Hamilton a eu largement le temps d'en faire 100, et on sait pas trop où il va s'arrêter. Bien sûr, j'avais vu sur Twitter des petits commentaires qui étaient très rigolos qui disaient non, mais de toute façon, comme Dominic Cali veut faire maintenant 25 courses longues, 25 courses sprint, machin, allez, on est parti pour les 200 victoires. Ça va être compliqué, ça va, il va pas nous faire une Richard Petty pour les amateurs de NASCAR, mais enfin, Manu, voilà, hein, il a été quand même mis dans le mal le samedi parce que c'est vrai qu'on l'a vu faire des erreurs pas caractéristiques, mais alors le dimanche, il a été excellent. Ouais, il était revanchard le dimanche parce que le samedi, il était frustré, il a dit lui-même qu'il a fait des erreurs qui n'étaient pas dignes de son rang. On pense notamment à l'erreur dans les stands qui est largement évitable comme chaque erreur dans les stands. Il fait un tête-à-queue dans sa dernière tentative où il va taper à l'arrière. Donc, c'était vraiment une entame de week-end et puis des qualifications qui étaient vraiment pas bonnes, sachant que la physionomie du vendredi montrait les Mercedes au-dessus du lot. Donc, si la pluie n'était pas arrivée, on aurait pu penser qu'ils allaient faire 1 et 2 sur la grille. Au final, ils se retrouvent 4 et 7. Hamilton se fait enfermer au départ. En plus, il se retrouve 7e après le départ. Donc, c'était vraiment pas gagné. Une nouvelle fois, ouais, il finit devant, mais c'est les meilleurs qui finissent devant, en fait. Donc, le fait qu'il ait réussi à gérer sa course, il a fait un super, il a fait globalement une super course, parce qu'en fait, il est quand même tout le long rapide. Alors, il a été coincé derrière Ricciardo, qui avait toujours une McLaren très rapide en vitesse de pointe. Mais, il a réussi, justement, à surmonter ça, malgré aussi des stratégies, il faut le dire, pour une fois, qui n'étaient pas top chez Mercedes. On a failli se faire avoir par Ricciardo si Ricciardo n'avait pas fait son arrêt manqué, puisqu'en fait, ils ont laissé traîner un peu l'undercut qu'ils voulaient faire, et finalement, tout s'est fait sur la stratégie finale au moment du déluge. Hamilton n'a pas fait d'erreur ce coup-ci, il a été hyper prudent et à la fois rapide, et il a fini largement devant. Très bon timing, très bonne communication radio, confiance parfaite avec Bonington, il ne faut pas non plus l'oublier, qui lui a dit, voilà, tu rentres, et il a désobéi le premier coup, il a accepté le deuxième. Et ça a fini par payer, donc il n'y a pas grand-chose à dire, à part ça, sans victoire, c'est juste énorme, franchement, encore une fois, beaucoup de gens disent oui, mais il a dominé parce qu'il avait une Mercedes entre les mains, mais il ne faut pas oublier qu'en fait, il a Rosberg qui est monstrueux face à lui en 2014 et 2016. Il a Vettel qui est très très bon avec Ferrari en 2017-2018, et c'est lui et Mercedes qui étouffent Ferrari et Vettel. Et voilà, et ces titres ne doivent pas être considérés comme moins bons que ceux d'autres champions parce que la Mercedes était très bonne. Donc ouais, non, c'est juste monstrueux, et c'est bien qu'il soit en lutte pour un huitième titre cette année parce qu'il offre ce que la F1 fait de meilleur. Et je pense que c'est grâce à lui aussi et à sa ténacité qu'on a des gens en face comme Verstappen qui sont obligés d'être au maximum. Donc on peut que tirer notre chapeau. On a WM1982 qui me dit « J'ai pas vu les 5 derniers tours, il a gagné Lando reste ça, sur les 48 premiers tours. » C'était très bien, bien sûr. C'était nickel. Franck, ton avis toi, sur ces 100 succès de Lewis? Oh bah c'est juste énorme. Enfin, on a tous assisté ici au succès de Michael Schumacher. Donc c'est vrai qu'on disait 91 victoires. Déjà, il va falloir un certain temps avant d'aller les chercher. 7 titres aussi. Et on se rend compte, comme tu dis, 15 ans après, on est déjà en train de parler de 100 et plus, de 8 titres et plus. C'est absolument fou. Alors, je pense pas que la loi des séries va se répéter comme ça éternellement, puisque là, après Lewis, voilà, on a des pilotes qui vont s'en aller. Je doute que Sébastien Vettel ajoute beaucoup de titres à ses quatre. Donc voilà, je pense qu'on va repartir. Si Max gagne ce championnat, effectivement, ça fera un titre pour lui, et il faudra encore attendre encore un bon bout de temps avant qu'il y ait d'autres titres. Donc voilà, c'est 100 victoires, 7 titres. Peut-être 8, c'est phénoménal en fait. C'est là qu'il faut qu'on arrive à mesurer aussi le pourcentage. Je crois qu'on a 35 ou 36% de victoires sur l'ensemble de sa carrière. Ce qui est à saluer, du coup, c'est Niki Lauda. C'est comme sa vision, sa hargne pour aller chercher Lewis Hamilton chez McLaren, donc fin 2012, et convaincre Lewis Hamilton que Mercedes, c'est le bon pari pour l'ère hybride. Et l'ère hybride, finalement, elle est totalement dominée jusqu'à maintenant par Mercedes. Sochi reste du coup un territoire Mercedes, puisque c'est Mercedes encore qui a gagné, même si le Grand Prix a été extrêmement disputé. Ça aurait pu être une McLaren-Mercedes, mais ça aurait encore été un moteur Mercedes, pour le coup. Voilà, moi, j'ai un peu de mal, effectivement. Je sais qu'il y a pas mal de médias qui ont essayé de classer un petit peu les plus belles victoires de Lewis Hamilton. Moi, j'ai un petit peu de mal avec ce genre de choses, parce que toutes les victoires en fait se succèdent, beaucoup sont très très belles. On doit saluer le champion, voilà, c'est tout. On a eu des commentaires encore après la course sur Next Gen Auto, sur le fait qu'on était ou pro Hamilton ou pro Verstappen, et j'avoue que ça m'a fait un peu sortir de mes gonds pour une fois, j'interviens rarement, mais voilà, on n'est pas là pour supporter l'un ou pour supporter l'autre. On sera très content si Lewis gagne un 8e titre et franchit encore une barre supplémentaire en termes de record, comme on sera très content que Max Verstappen réussit à battre Lewis Hamilton et à briser cette hégémonie au championnat. Donc pour nous, voilà, c'est juste du pain béni, il faut apprécier le spectacle qu'on nous donne, il faut apprécier effectivement que c'est une saison qui est pour l'instant, là, je pense, la meilleure du siècle. Je l'ai beaucoup lu cette semaine, et je pense que c'est absolument vrai. On a une bataille entre deux pilotes de très grand calibre, dans deux équipes différentes, et c'est à couteau tiré. Personne ne sait aujourd'hui qui va être champion du monde, et je pense qu'on ne le saura pas avant au moins 4 à 5 courses minimum, donc il en reste 7. Donc voilà, moi chapeau à Lewis pour ses 100 victoires. Je ne sais pas quand arrivera la 101e, parce qu'il a dû quand même attendre celle-là, la 100e. Donc voilà, c'est juste un grand bravo pour moi de ce côté-là, parce que voilà, c'est toujours avec en plus le panache, ou si l'aplomb, la dignité, c'est jamais voilà, de manière péremptoire, c'est jamais de manière ostentatoire, c'est toujours un mot pour l'équipe. Alors, c'est aussi l'équipe, Mercedes, elle est beaucoup pour l'un-dedans, et il ne l'oublie pas, voilà. Même si beaucoup critiquent, parce qu'à chaque fois, c'est merci aux gars, merci l'équipe, merci à l'usine, mais c'est ça, c'est sans eux, il ne serait rien. Donc voilà, juste bravo à Lewis. On rappelle, vas-y, Manu. Non, je pense que pour eux, en plus, c'est galvanisant de chaque week-end d'avoir Hamilton qui les remercie et qui pense à eux, parce que il y a beaucoup d'équipes où les pilotes le font pas, et je pense que ça fait vraiment la différence. C'est-à-dire que lui, il n'oublie jamais, en fait, les gens qui sont sur place, les gens qui sont à l'usine, et je crois que ça fait la différence. Et puis, comme tu dis, ouais, c'est vrai qu'il faut souligner son bel esprit, parce que il a pris le temps de parler un peu à Norris et puis d'essayer de le réconforter. C'est toujours un pilote qui essaye d'être propre en piste et d'être bien à l'extérieur. Alors, c'est vrai que beaucoup disent oui, mais c'est des postures, etc. Et je pense que c'est quelqu'un qui est foncièrement essaye de mettre une empreinte et de laisser une empreinte qui soit pas seulement celle d'un champion et d'un vainqueur en F1, mais d'un pilote aussi qui soit propre. Je pense qu'il est, il parle pas souvent de son héritage en F1 et de ses statistiques, mais je pense qu'il a pas envie à la fin qu'on voit son palmarès entaché par un comportement qui serait pas adéquat en fait. Et je crois que là-dessus, il est en train de réussir parce qu'honnêtement, enfin, après les gens disent toujours oui, il a eu des titres faciles, etc. Un titre de F1 n'est jamais facile déjà. Et s'il a eu des titres de F1, c'est aussi parce qu'il a développé des voitures qui pouvaient avoir le titre. Il a aussi contribué au niveau de la Mercedes. Il n'a pas chopé une voiture qui était juste la meilleure. Il a aidé à ce que l'équipe soit la meilleure pendant 7 ans. Et en fait, il a toujours, toujours essayé de faire des choses au meilleur niveau. Donc je pense que il faut aussi reconnaître tout ça chez Hamilton. Quoi, c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'on ne voit pas ces propos-là chez Max quand il gagne. Après une victoire, il ne remercie jamais spécifiquement son équipe ou le motoriste. Il a un petit mot voilà, comme ça, mais ce n'est pas aussi appuyé que ce que peut faire Lewis Hamilton. Donc voilà, c'est juste aussi. Pour le coup, c'est un petit parti pris pour Lewis Hamilton sur ce coup-là, mais bon, c'est la 100e victoire, donc c'est le cas de le souligner. Mais voilà, on n'a jamais effectivement ces mots à tous les grands prix, à toutes les victoires de Max Verstappen pour son équipe. C'est pas le cas, alors que Lewis Hamilton ne les oublie jamais. Donc c'est comme ça, c'est un fait, hein, c'est à souligner. Vous, en lisant les déclarations d'après-course, vous pourrez tous le constater vous-même. On rappelle la première victoire de Lewis Hamilton, c'était au Canada en 2007. La 25e est arrivée en Chine en 2014, 7 ans après. Et donc depuis en 7 ans, il en a fait 75. Hein. Rendez-vous compte quand même, le gaillard, la 50e victoire, c'était aux États-Unis en 2016. C'était donc il y a 5 ans. Il a fait 50 victoires en 5 ans quand même, Lewis Hamilton. Hein. Si on prend vraiment les chiffres, c'est quand même assez fou. La 75e, c'est au Grand Prix de Chine 2019. Et donc la 100e victoire au Grand Prix de Russie 2021. C'est comme ça que je me donne le tournis en fait en regardant les chiffres. C'est pas tant le chiffre de 100 qui est fou, c'est de se dire qu'il en a fait 75 en 7 ans. C'est absolument, absolument dingue, tout en se rappelant qu'évidemment, 2013, le débarrage en disant oui, mais est-ce que Lewis Hamilton n'est-il pas le plus grand gâchis de l'histoire de la Formule 1 avec un seul titre, il va jamais rien réussir chez Mercedes, et maintenant, il va peut-être devenir octuple champion du monde de Formule 1, et il a maintenant atteint les 100... Les 100 victoires. Alors, Alexandre nous dit, est-ce que le pourcentage n'est pas plus intéressant vu le nombre de Grands Prix aujourd'hui? 36%, c'est pas mal quand même. Surtout, ça ne change rien. C'est-à-dire que, justement, le pourcentage, c'est pas. Comment dire? Quand tu as le pourcentage par rapport aux autres pilotes, oui, effectivement, il est avantagé parce qu'il y a 20 courses par an. Mais son pourcentage de victoire à lui, il est là. C'est-à-dire que le mec a une carrière qui est à 280 Grands Prix et qu'il en a remporté une sur trois. Enfin, un sur trois. Et en fait, il ne faut pas. J'ai vu une stat l'autre jour, justement, c'est lui et Vettel ont remporté la moitié des Grands Prix depuis 2007. C'est monstrueux. Et lui en a remporté deux fois plus que Vettel. Donc, il faut. La performance, elle est là, en fait. Enfin, encore une fois, tu regardes ses résultats par saison. À partir du moment où il est chez Mercedes, 2014, 11 victoires. 2015 et 2016, 10 victoires. 2007, 9 victoires. Et 2018, 2019, 2020, c'est 11 victoires par saison. Sachant que 2020, il n'y avait que 17 courses. Donc, c'est. En fait, c'est pas le nombre de grands prix. Au bout d'un moment, on n'intervient plus dans la relativité de la performance. C'est-à-dire que de toute façon, il a gagné un tiers des courses auxquelles il a participé, et ça, on peut pas lui enlever, quoi. C'est si on prend si on prend le pourcentage depuis qu'il est chez Mercedes. C'est là que ça va devenir très drôle. Même depuis 2014, si on fait depuis 2014, voilà, disons l'ère hybride. L'ère hybride, ouais. Mais c'est un pourcentage de fou parce qu'il est arrivé quand même. 22 victoires jusqu'en 2013, et donc il a fait tout le reste maintenant, donc il en est à 78 succès depuis 2014, 78 succès en 159 Grands Prix. 1 sur 2. C'est 1 sur 2. C'est quand même, il a gagné 49%. Il a gagné 49% ou 50% de ses Grands Prix depuis 2014. C'est là où il faut quand même se rendre compte de la statistique totalement incroyable. Et alors évidemment, les gens diront oui, mais il avait la voiture pour. C'était pas le seul, encore une fois. C'est pas le seul à avoir la voiture puisqu'ils sont toujours deux dans l'équipe. Et puis il a fait en sorte que la voiture soit là. Encore une fois, le niveau de la Mercedes, il n'est pas atteint que grâce aux motoristes ou que grâce aux ingénieurs. Oui, en 2014, ils ont le meilleur moteur, ils en profitent, mais Williams et Force India ont le même moteur. Rosberg a le même moteur en 2015 et pourtant, il se prend une rousse par Hamilton. Et en 2017-2018, Ferrari a une meilleure voiture en début de saison. Et Mercedes remonte et Hamilton bat. Et si Mercedes remonte et que la Mercedes progresse, c'est parce que Hamilton aide aussi à faire progresser la voiture. Et oui, l'équipe est très forte et oui, ils avaient beaucoup de budget, mais ce n'était pas les seuls en fait. Et à chaque fois, il y a au moins Ferrari et Red Bull qui avaient les mêmes moyens, qui avaient les mêmes capacités et qui n'ont pas fait les mêmes choses. Donc là-dessus, on ne peut pas C'est comme dans les débuts des années 2000, Williams et McLaren avaient le même potentiel que Ferrari, mais Ferrari a tout fait parfaitement et a enchaîné 5 titres. Et ben là, c'est pareil, en fait. Et ça, on peut pas le nier, et faut pas réduire le pilote simplement à sa voiture et encore moins à son moteur, parce que c'est vraiment trop réducteur. Exactement ça. Lewis a battu ses équipiers. À part en 2016, effectivement, où Nico Rosberg a réussi à le battre au finish. Bon, après, tout le monde dira, toujours les détracteurs, c'est voilà, la casse moteur en Malaisie qui a coûté très très cher, effectivement, à Lewis pour le titre mondial cette année-là. Mais il n'empêche que voilà, c'est la seule année où Lewis Hamilton a eu une position dans son équipe sur le long terme, c'est-à-dire jusqu'à la dernière course. Et donc, on peut aussi saluer Nico Rosberg de ce côté-là, parce que je sais qu'il a été beaucoup décrié aussi. Et quand on voit ce qu'a fait après derrière Valtteri Bottas n'a jamais été capable de tenir la distance sur toute une saison. Et pourtant, Valtteri Bottas est quelqu'un de très rapide. Voilà, il est capable d'aller choper des pôles, il est capable de battre Lewis Hamilton. Il est pour moi toujours un mystère en course. Voilà, je pense qu'on en débattra aussi tout à l'heure de la course de Valtteri Bottas. je ne sais pas. Il y a eu 48 tours d'un côté et 5 de l'autre. C'est le mystère Valtteri Bottas en course, pour moi, il est voilà. Si c'est devant et que tout va bien, il n'y a pas de souci. C'est du moment qu'il y a du trafic, c'est plus la même chose. C'est mode panique, quoi. Donc voilà, c'est que dire. C'est voilà, il a réussi tout ça. On aurait pu espérer que Lewis Hamilton ait un coéquipier plus fort chez Mercedes sur ces dernières années en course, parce qu'en qualification, Valtteri Bottas était tout à fait au niveau. C'est vrai qu'en course, effectivement, il a été un peu plus seul par rapport à l'ère Rosberg. Donc, on peut admettre que Hamilton a été un peu plus chanceux de ce côté-là. Valtteri Bottas a d'ailleurs lui-même dit qu'il a jamais senti qu'il était vraiment capable d'aller chercher le titre chez Mercedes pendant toutes ces années avec l'équipe. Ce qui veut dire effectivement que voilà, il n'a pas été au niveau de Hamilton, et il l'a souvent dit. Hein, il a souvent dit voilà, je ne suis pas au niveau de Lewis en course, je dois me remettre en question. On a eu le Bottas 2.0, on a eu le Bottas 3.0. Cette année, on doit être quoi, 4 ou 5.0 et ça ne marche toujours pas. Lewis a réussi à battre ses équipiers. Moi, je suis maintenant impatient de voir George Russell. Voilà, c'est et donc, du coup, l'ère suivante qui va s'ouvrir. Alors, si on a une nouvelle Mercedes qui domine, effectivement, on va passer de 100 à 115, 115 à 130, et effectivement, les chiffres peuvent encore s'affoler. Maintenant, j'espère que ce ne sera pas le cas. On va rajouter les grands flemmes, les machins, et là ce sera tout seul, tout au sommet, évidemment. Mais voilà, c'est vrai que Lewis Hamilton a éteint ses équipiers, mis à part Rosberg, et effectivement, c'est un coup de chapeau qu'on peut également donner à Nico Rosberg, parce qu'il fallait y aller jusqu'au dernier Grand Prix en 2016. Mais voilà, on ne pouvait pas évidemment commencer cette émission autrement qu'en saluant Lewis Hamilton et ce 100e succès qui a quand même été pas simple à construire, hein, comme on l'évoquait tout à l'heure. Ici, bon, voilà, il prend un mauvais départ. C'est vrai que c'était un Lewis Hamilton qu'on n'a pas eu l'habitude de voir. Alors, je sais, il fait, entre guillemets, beaucoup d'erreurs par année. Enfin, voilà, on en voit quand même de temps en temps des fautes de Lewis Hamilton. C'est pas non plus une machine. Mais là, le voir taper son mécano, puis taper le mur, puis, enfin, c'était quand même très compliqué, quoi, j'ai trouvé jusqu'au samedi. Et puis le dimanche, là aussi, un départ où il était un petit peu passif, comparé à d'habitude, hein, qui se fait enfermer, mais quand on voit comment Lance Stroll pousse tout le monde avec les coudes largement écartés, je pense qu'il y avait moyen de faire autre chose. Donc voilà, on a senti une petite passivité dans cette Mercedes-là, et bon, bah, ensuite il a fallu être prudent, et surtout, Manu, être patient pour remonter, en fait. Ouais, c'est ça. Après, le départ, il a clairement dit, il a joué la prudence. Je pense qu'il y a des photos qu'on voit du départ où c'est vraiment le peloton est très compact. Et je pense que quand il a vu devant lui qu'il y avait une Ferrari, une McLaren côte à côte, une Williams d'un côté, une Alpine, parce qu'Alonso avait pris un super départ aussi, l'Aston Martin et tout ça, il a dû se dire, bon, je vais les laisser prendre le virage dans leur coin. Moi, je vais voir comment ça passe, parce que je pense qu'il s'est dit, ça ne sert à rien de gagner deux places pour se faire accrocher ou pour accrocher quelqu'un. Et je pense que là-dessus, encore une fois, c'est l'expérience qui parle. C'est-à-dire qu'il s'est dit, c'est pas maintenant que je vais gagner le Grand Prix. Et en fait, effectivement, le Grand Prix, il l'a gagné en fin de course. Donc là encore, c'est la construction d'une course par un pilote qui a 280 Grand Prix dans les pattes et son palmarès. Et sa construction de week-end, elle est pareille. C'est-à-dire que samedi, il avait dit le samedi soir qu'il allait travailler, et le dimanche matin, il a dit qu'il avait vraiment tout repris à zéro et il a fait un reset complet, etc. Parce qu'il a voulu voir pourquoi il a fait ses erreurs, voir pourquoi il était moins rapide que prévu. Et en fait, il n'y a pas de secret, il a travaillé. C'est-à-dire qu'il a passé son samedi soir jusqu'à se coucher, en gros, à essayer de comprendre pourquoi il avait fait un samedi aussi mauvais, qui a été très mauvais, il ne faut pas le nier, hein, parce que ce n'est pas de son rang de faire autant d'erreurs, mais il a travaillé pour comprendre. Et en fait, bah, comme d'habitude, comme souvent on le voit dans les week-ends, normalement, c'est plutôt entre le vendredi et le samedi qu'il fait ça. Généralement, vendredi, il est un peu pas là, et puis après, le samedi, on voit qu'en qualif, il monte en puissance. Et là, ça a été l'inverse, c'est-à-dire qu'il est monté en puissance le dimanche, parce que le samedi, c'était raté. Et encore une fois, bah, c'est ça, il construit sa victoire. Alors, avec beaucoup de patience. Pour une fois, c'est vrai qu'il a pas, il a été obligé d'être très patient. Et de toute façon, on sent qu'il était à peu près aussi à se... Verstappen étant derrière, il était prêt à se contenter de ce qui allait arriver. C'est-à-dire que c'était top 5 du moment où Verstappen était derrière, ça lui allait. C'était podium, ça lui allait. Et même à la fin, on a senti finalement la stratégie de Mercedes a été décidée juste pour contrer Verstappen. C'est-à-dire Verstappen s'est arrêté, ils sont arrêtés au tour suivant. Même s'il ne s'était pas mis à pleuvoir plus et qu'il avait perdu la course, au moins, il couvrait le fait que Verstappen ne fasse pas mieux que lui. Donc, il y a cette pensée aussi pour le championnat. Ils n'ont pas, besoin de gagner toutes les courses. Mais encore une fois, bah, tout a été fait à la perfection ou presque le dimanche, et c'est ce qui fait qu'ils sont allés chercher la victoire, quoi. Ouais, ils ont. Alors, c'est clair que Lewis, sur les images du départ, il est très très prudent, quoi. Il cherche pas du tout à s'imposer contre qui que ce soit. Au contraire, il a se filé effectivement encore une ou deux places en plus, ouais, parce qu'il sait quoi, effectivement, Verstappen est loin derrière, donc du coup, c'est pas sur ce départ-là qu'il faut prendre un risque, se retrouver éliminé bêtement. Donc voilà, là, il joue le championnat, il joue les points. Après effectivement il déroule sa course, bon il se retrouve effectivement bloqué derrière Ricciardo pendant un bon nombre de tours, donc il doit se dire ah ça y est, la victoire a peut-être m'échappé. Effectivement ça a permis à Lando Norris de s'échapper devant, de prendre de l'avance, surtout que Russell était encore là quand même, hein. il était dans le premier relais, il était encore là, donc ça a bouchonné un peu derrière, donc ça tout a aidé en fait Lando Norris à s'échapper. Donc je pense que Toto Wolff pour une fois il a dû dire bon Georges sur ce coup là tu nous aides pas beaucoup. Mais voilà, c'était un week-end, on va dire, maîtrisé le dimanche, parce qu'effectivement, le vendredi, c'était quand même, ça semblait être du Valtteri Bottas, quand même. Hein. On disait, ça y est, Bottas, le roi de Sochi, il était là, il était présent. Bon, la pluie a rebattu les cartes. Samedi, il s'en allait. C'est ça. Bottas, le samedi, voilà, là, le coup, peut-être qu'il a... J'ai pas eu mes essais libres 3, donc il a bu trop de café, je sais pas, si on a bu beaucoup de café, donc ça a peut-être un peu trop énervé, je sais pas. Voilà, et puis Bottas, bon, faut pas oublier que Bottas était quand même qualifié 7e, donc c'était pas beaucoup plus loin que Hamilton, mais il prend une pénalité moteur, effectivement, qui le relègue 16e sur la grille, donc ça l'aide pas non plus derrière en termes de mental, donc voilà. Mais pour en revenir effectivement à Hamilton et sa course, prudence au départ, prudence derrière Ricciardo aussi. Je pense qu'il aurait pu être un peu plus agressif derrière Ricciardo, mais je pense que connaissant Ricciardo et sa verve en course, il n'a pas non plus cherché à aller trop loin là-dessus, donc il s'est dit que voilà, là ça laisse jouer la stratégie à l'arrêt au stand. Après effectivement tout s'est joué sur le dernier arrêt au stand, et comme l'a dit Toto Wolff, McLaren ne pouvait que perdre là-dessus, donc je pense qu'on reviendra effectivement sur ces 5 derniers tours, mais voilà, Hamilton a pris la bonne décision de s'arrêter quand il fallait, même s'il a d'abord désobéi à son équipe. Voilà, mais c'était la vision du champion dans sa voiture pour s'arrêter au bon moment, alors qu'il avait fait la petite bêtise la veille en fin de qualification. C'était assez impressionnant, effectivement, cette fin de course, hein, avec ce pauvre Lando Norris. On en reparlera, bien sûr, de Lando, qui était quand même bien parti pour une première victoire en Formule 1. La pluie en a décidé totalement autrement. C'est vrai que la manière dont c'est tombé, c'était quand même assez, assez surprenant, cette affaire. Et finalement, eh bien, voilà, Lewis Hamilton s'impose devant Max Verstappen, qui est parti dernier. Alors ça c'est quand même, encore une fois, là, je pense qu'en termes de hold-up, on se place là. Alors, vous allez me dire, mais regardez les mots qu'ils utilisent, ils sont fans de Lewis Hamilton, ils ont des posters partout. Non, mais bon, à un moment donné, il n'était pas deuxième. Avant que la pluie n'arrive, très clairement, il en a très bien profité, mais il a fait une belle course d'attaque aussi, Max Verstappen, très clairement, parce que voilà, j'ai vu dans le chat à passer, hein, la Mercedes a l'air d'avoir beaucoup de mal dans le trafic. Je suis désolé, si on regarde le premier relais, tout le monde avait du mal dans le trafic, sauf Verstappen. En fait, ouais, puis il était derrière Ricciardo, encore une fois. La McLaren est très difficile à doubler parce qu'elle a une bonne motricité et une très bonne vitesse de pointe. Donc, c'est une voiture qui est très difficile à doubler. Et à Monza, c'était pareil. Et c'est souvent pareil, en fait. Il ne faut pas oublier que la McLaren est en train de petit à petit combler son écart avec les deux voitures de tête. Là, maintenant, ça fait quand même depuis Spa, ils sont tout le temps dans le groupe de tête. C'est-à-dire que Norris joue la pole à Spa s'il ne se crache pas. À Zandvoort, ils sont pas là, c'est un vrai circuit châssis, et on l'a senti que là, du coup, ça allait moins bien. Mais à Monza et puis à Sochi, ils sont au niveau aussi. Et je pense que ne pas réussir à doubler la McLaren, c'est pas comme comme rester coincé en plein milieu du peloton, quoi. Donc, faut pas voir les choses comme ça. Encore une fois, à Imola, Hamilton fait une remontée à peu près un pilote par tour du fond de classement jusqu'à la deuxième place. Donc, c'est ça. C'est pas la Mercedes qui ne s'est pas remontée dans le peloton. C'est Bottas qui ne s'est pas remonté dans le peloton. Mm. Ça, c'est différent. Parce qu'Hamilton, quand il s'est retrouvé dernier sur des pénalités moteurs ou autres dans les années précédentes, il a toujours su remonter de manière assez rapide. Sur les premières places. Donc, pour moi, c'est un faux argument. Voilà. C'est juste qu'on a rarement vu, enfin, on a plus rarement vu Lewis Hamilton devoir remonter que Valtteri Bottas ces derniers temps. Donc, on a un petit peu voilà, tendance effectivement à comparer les deux choses et c'est pas du tout le cas. Pour moi, il y a un vrai problème d'agressivité de Bottas en course dans le peloton. Ça, c'est Ismaël nous demande qui il a dépassé, Max, à parler là, c'est tout. Bah, il a dépassé Bottas déjà. Hein. Bottas a tenu 6 tours, je vous rappelle, donc c'est quand même une belle perf. Sur un circuit où c'est impossible de dépasser quand on est en train de DRS, le mec il a fait 6 tours, donc bon, on va pas jeter d'huile sur le feu. Il a dépassé Vettel aussi, on l'a vu faire des dépassements quand même assez osés. On peut dire que oui, il passe pas des gens de son standing. Personne n'a dépassé George Russell dans le premier relais. Et bon, Russell n'a pas vraiment. Il passe Latifi, après il passe Bottas, certes. Après il passe Gasly, après il passe Leclerc, après il passe Vettel, après il repasse, si j'ai pas de bêtises. Enfin bref, il passe Ocon, donc après il passe Ricardo. Donc si, en fait, et là on est que au 22e tour. Donc bien sûr que si, il passe quand même à peu près toutes les voitures possibles. Alors que Bottas est resté coincé pendant un bon bout de temps derrière les autres, quoi. Mm. On rappelle que Bottas, on est quand même passé à la radio de Valtteri Bottas vers le quart de course. Allez, Valtteri, tu peux faire top 5, c'est bien et tout. 15 tours plus tard, on dit bon, Valtteri, il va falloir dépasser les gars devant toi si tu veux marquer des points quand même. C'est là où il faut se rendre compte de la prestation des deux prétendants au titre. Parce que eux, au moins, quand ils étaient en difficulté, ils ont su réagir. Et Verstappen a quand même très bien réagi. Et c'est vrai que c'était plus compliqué pour lui dans le deuxième relais. On pense à ce moment où il se fait dépasser par Fernando Alonso et il fait 4 tours de suite ou 3 tours de suite en 1.40, 1.42. On comprend pas trop ce qui se passe. En fait, c'est. Je crois que c'est le. Il est parti en médium. Non, il est parti en dur, ils lui ont chaussé les médiums en même temps qu'Hamilton a chaussé ses durs. En fait, c'était trop tôt et le train de médium était cuit et c'est heureusement que la pluie est arrivée parce que je pense que sinon la fin de course aurait été catastrophique. Et à un moment, j'ai regardé, on voyait qu'il perdait 2 à 3 secondes au tour et je pense qu'il n'aurait pas fini dans les points s'il n'avait pas eu la pluie. Mais après, son début de course était monstrueux. Il remonte dans les points au 13e tour. Donc, ça va quoi. Grosse erreur stratégique quand même de Red Bull de vouloir effectivement arrêter pour se calquer effectivement sur Hamilton. Ouais. De fusiller bêtement la stratégie en pneu dur comme ça en s'arrêtant aussitôt parce que les médias effectivement ils n'allaient pas tenir à la fin du Grand Prix à ce rythme là quoi. C'était alors vraiment la pluie les a sauvés. Alors est-ce qu'ils ont misé là-dessus en se disant voilà ça arrivera dans les 10-15 derniers tours en se disant bon voilà on mise là-dessus et on espère remonter. Ils ont vraiment eu du bol chez Red Bull parce que sinon ouais, effectivement Verstappen risquait de finir hors des points sur le sec. Ça aurait pu finir comme ça, on aurait pu avoir un 25-0 quoi. Peut-être pas 25-0 parce qu'il y a un 18. Parce que 18, Hamilton n'avait pas dépassé Norris, et c'est ce qui aurait normalement dû se passer sur le sec parce qu'il avait quand même beaucoup de mal et que les pneus se seraient un petit peu plus égalisés sur la fin de course, on aurait eu un 18-0 derrière. Donc merci la pluie chez Red Bull. Quoi. Non. Là, c'était effectivement le petit coup de poker qui a bien fonctionné pour Red Bull. Merci au fait, tiens, Lucky Chiranoui, j'avais pas vu qu'il s'était abonné grâce à Amazon Prime, merci beaucoup. Carlos Sainz 3ème, c'est superbe ça aussi, Sainz qui fait un très très bon début de Grand Prix. On sent quand même, messieurs, que cette Ferrari a du mal avec ses gommes et que, alors elle est très efficace quand elle est dans l'air frais, mais en gros elle est efficace sur de l'air frais, des pneus à température parfaite, enfin voilà, c'est une voiture, elle est très bien pour le time trial dans F1 2021 si vous voulez, mais malheureusement la Formule 1 c'est pas encore ça, donc ça fait que c'est un peu plus difficile, surtout dans le trafic. Et là Sainz a fait 10 premiers tours de grande qualité et ensuite il s'est retrouvé vraiment en difficulté face à Lando Norris, mais finalement Franck, il va remonter sur ce podium grâce à la pluie. Même lui, je pense qu'il a un peu de mal à savoir comment il a fait, mais c'était plutôt très chouette pour l'Espagnol. Non, c'était assez clair en fait que Sainz y donnait tout pour rester devant avec ses pneus. Hein. Donc il les usait déjà naturellement beaucoup plus pour rester devant. La Ferrari n'a pas du tout le rythme de la McLaren en course et des autres voitures derrière pour pouvoir effectivement tenir aussi longtemps ses gommes dans de bonnes conditions. Donc en fait, Sainz les a simplement fusillés en voulant tenir absolument cette première place. Donc la Ferrari n'est pas du tout adaptée en termes de rythme de course pour tenir des gommes longtemps et rester devant longtemps aussi. Donc voilà, effectivement, Il est passé de la première place à effectivement une chute dans le peloton. Donc là, quand on lui a dit un top 5 est possible, il a maugré un petit peu à la radio en disant bon, un top 5 seulement. Bon, voilà. Et puis finalement, effectivement, la pluie le sauve aussi de son côté pour effectivement monter sur le podium. Donc voilà. Pour le coup, belle prestation de Ferrari sur la voiture de Sainz. Ça s'est plutôt bien passé pour lui. Ça permet effectivement de limiter les dégâts encore par rapport à McLaren. Donc la bataille reste ouverte pour la troisième place au championnat des constructeurs. Ouais, puis de toute façon, Sainz fait déjà le boulot le samedi en se qualifiant deuxième. Hein, encore une fois, fallait le faire sous la pluie. Et ouais, de toute façon, on se rend pas forcément compte, mais le début de course, le rythme des deux leaders était vraiment monstrueux. Ils ont essayé tous les deux en fait de profiter que Russell était troisième pour vraiment prendre de l'avance, un peu comme l'avait fait Ocon et Vettel en Hongrie. Et ça aurait pu marcher. Hein, finalement, c'était la bonne idée. Mais bon, bah Norris a été piégé par la pluie à la fin. Et Sainz, effectivement, a vraiment détruit ses gommes. Alors, la Ferrari, on sait que depuis le début de saison, son gros point faible, c'est la fenêtre de fonctionnement des pneus qui est vraiment trop faible. Soit ils ne sont pas en température, ça c'était le gros problème qu'ils avaient l'an dernier, là ils ont gagné un peu plus d'appui, donc maintenant ils arrivent mieux à la mettre en température, mais le problème qu'ils ont, c'est que des fois ils arrivent trop à la mettre en température et les pneus se crament. Donc ça a toujours été leur problème, ça pèse beaucoup sur le pilotage de Leclerc cette année, ça se voit. Il a pas mal de difficultés en course, souvent il le dit, les pneus ne fonctionnaient pas comme je voulais. Et Sainz le maîtrise un peu mieux, mais là c'est vrai qu'il était dans l'euphorie du leader et puis dans le train des pilotes qui vont très vite en fait, tout simplement. Et ça n'a pas forcément aidé à ce qui reste devant, mais c'est vrai que la bonne décision au moment de la pluie, il rentre au 48e tour, donc en même temps que Bottas et Ricciardo de mémoire, Verstappen aussi, ouais. Et c'est vrai que c'est la bonne décision. Donc super prestation de sa part. Il a été très bon. Il a pas cassé de voiture ce week-end, ce qu'il avait tendance à faire en essai libre récemment. Donc pas grand chose à dire sur lui. Ça a été vraiment un très très bon week-end. Et encore une fois, il est devant Leclerc au championnat. Et il a quand même, il a 8,5 points d'avance sur Leclerc au championnat. Et puis c'est son troisième podium de la saison. Donc personne n'attendait Sainz à ce niveau-là, je pense. Beaucoup disaient en début de saison qu'il allait se faire détruire par Leclerc. Eh ben, c'est loin d'être le cas, et encore une fois, on voit que même si ce n'est pas le pilote le plus retentissant et le plus populaire, ça reste un excellent pilote et qu'il a largement sa place chez Ferrari. Leclerc qui a vécu un cauchemar quand même en fin de course avec la pluie, c'était fouillis à la radio, hein. Ça c'était assez, ouais. Assez incroyable cette affaire, on n'a pas mis un pied devant l'autre chez Ferrari, bon voilà, mais bon, c'est un petit peu habituel, il fallait bien qu'une Ferrari subisse des grandes difficultés stratégiques, c'était heureusement on va dire celle de Charles parce que c'était, Sainz était parti pour pouvoir faire un podium effectivement si on se trompait pas sur la stratégie, donc c'était tant mieux évidemment, mais bien joué en tout cas Carlos Sainz avec ce podium, je sais pas, peut-être que vous avez vu ma tête un petit peu... étonné à un moment donné, je viens de voir l'un des plus grands camoulox de tous les temps, puisque Energy 12 diffuse Rush. Avec, là, j'avoue que j'avais pas vu venir celle-là, donc je m'excuse pour le chat aussi, qui s'était peut-être pas mouillé la nuque avant que j'annonce ça, mais c'est ma foi quelque chose de très étonnant. Peut-être qu'à un moment donné, il y aura des gens de télé-réalité qui passeront une tête et qui diront quelque chose à Jameson, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est en diffusion ce soir. D'ailleurs, Ricardo termine quatrième. Je vais me permettre un avis personnel, je trouve quand même que la pluie le flatte. Sur tout le week-end. Oui. Parce que vendredi, c'était pas ça. Samedi, il fait une qualification relativement intéressante. Il est quand même loin de Lando Norris, en soi. Enfin, il se qualifie cinquième. Norris fait la pole. Il a deux semaines, samedi. Deux semaines. C'était Mazepin par rapport à Schumacher qui était à deux semaines. Oui, c'est ça. Il a un grand pilote. Non, il était à 2 secondes 44-1. Ouais, c'est ça. Il était à 2 secondes 2 de Norris quand même. Après, bon. Les conditions étaient très particulières, il fallait tomber, voilà, il fallait faire le tour au bon moment, c'est pas non plus... C'est vrai que les autres étaient plus serrés, hein, je ne conteste pas, les autres duels, un train qui pied est un peu plus haut, mais voilà, on peut dire que c'est assez compliqué, mais la course, je l'ai pas trouvé non plus étincelant. Quoi. Là, on se disait qu'il y avait beaucoup de positifs après Spa et Monza, et Zandvoort aussi, où il avait quand même fait jeu égal avec Norris sur un circuit difficile pour les McLaren. Ici, bon, je l'ai quand même senti un cran en dessous, quoi, donc je suis peut-être plus aussi positif que ce que j'ai pu dire avant après Monza. Je pense qu'il va retrouver ses mauvais travers d'avant l'été, malheureusement. Effectivement, Spa, Monza, Sochi, Zandvoort, effectivement, circuit neuf pour tout le monde. Ça l'a flatté pour le coup. Sochi, effectivement, sauvé par la pluie, clairement. Sinon, ça avait été sur le sec, ça aurait été encore la grosse pilule à avaler. Voilà, je ne vois pas pourquoi, en un mois de temps pendant l'été, on retrouve 5 dixièmes comme ça d'un coup. Il va continuer à traîner ce déficit jusqu'à la fin de l'année, il ne faut pas se le cacher. Peut-être qu'il le réduira selon les circuits, selon les conditions. Mais tant qu'il n'y aura pas la LFA en 2022, il n'y aura pas de nouvelles chances de resetter et de repartir à zéro face à Norris. Là, effectivement, ça a été un peu flatteur en mode je ressors revigoré, rechargé voilà, de ma pause estivale, je repars sur un pied neuf. Mais bon, les chiffres sont là. C'est pas parce qu'on est juste en meilleure forme après avoir pris des vacances qu'on gagne 5 dixièmes. Quoi. En Formule 1, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et voilà, c'est pour ça que moi, j'avais un peu craint ce discours-là de la part de Ricciardo d'être un petit peu trop. Comment dire, optimiste, fanfaronne un peu trop. Ouais. Et il l'a pas fait non plus. C'est plutôt la presse qui l'a fait pour lui, qui a plutôt été dans ses questions envers lui en disant voilà, est-ce que ça va mieux du coup, machin. Et donc, mais il l'a pas fanfaronné là-dessus. Donc voilà, les difficultés sont toujours là. Il y a pas de raison. La McLaren n'a pas changé d'avant l'été. Il a toujours les mêmes difficultés et sur des circuits plus voilà, plus traditionnels entre guillemets. On peut pas parler de traditionnel en Turquie. Aux États-Unis ou au Mexique, si le temps est sec, voilà, on retrouvera des écarts comme avant. Donc, voilà, il fait une belle course, il sauve quand même de bons points. Ça, déjà, c'est au moins ce qu'on attend de lui. Voilà, à défaut d'être très rapide en qualification face à Norris, il est au moins maintenant dans le bon début de peloton. Et puis, ouais, je serais tenté de dire à Sochi, il fait le boulot en essayant de retenir Hamilton pour que Norris prenne de l'avance, en fait, et là-dessus, il y arrive bien. Mais c'est vrai que c'est encore short et de toute façon, ça le sera jusqu'en fin de saison. Il a besoin, je pense, de repartir sur des bases plus saines avec moins de déficit de connaissance de la voiture par rapport à Norris parce que mine de rien, la McLaren évolue depuis 3 ans et Norris a quand même vraiment suivi l'évolution et impulsé l'évolution de ce châssis. Et je pense que Ricciardo n'arrive pas à trouver le soft spot de la voiture, vraiment le truc qui lui permettrait d'avoir la confiance et la bonne exploitation. Donc, je pense que ça va prendre encore un peu de temps et de toute façon, à mon avis, ils vont rapidement se focaliser. Ce qu'il disait un peu la dernière fois déjà du côté d'Andrea Stella, le directeur de la compétition de McLaren, disait qu'il se focalisait quand même sur le fait qu'il soit mieux au volant de la prochaine voiture plutôt qu'à tout prix prendre du temps en simulateur pour qu'il apprenne la voiture 2021, alors que finalement, il n'y a pas grand-chose à gagner à le faire. C'est-à-dire que oui, ça pourrait aider à ce qu'il sauve la troisième place, mais ce n'est pas le but. Le but pour McLaren aujourd'hui, c'est de mieux préparer 2022 pour... avoir une chance de victoire et titre sur la prochaine génération et là ils auront besoin de leurs deux pilotes donc je pense que Ricciardo est plus ou moins condamné à être un peu dans ce genre de performance jusqu'en fin de saison et puis bah, ma foi on verra, je pense que l'an prochain il y aura vraiment de quoi repartir sur des bases plus saines et plus que juste une pause estivale où il s'est reposé quoi. On l'espère très clairement pour Daniel Ricciardo, c'est vrai qu'il a fait le travail pour Norris mais disons qu'il l'a fait un peu malgré lui quoi. Je pense qu'il a fait le travail parce qu'il avait juste pas de rythme. Et le fait que la McLaren soit rapide en ligne droite, ça lui a permis de garder Hamilton derrière et ça l'a aidé. Si on compare avec, par exemple, beaucoup à comparer avec ce qu'avait fait Alonso en Hongrie, là c'était différent parce qu'on sentait qu'il avait le rythme d'Ocon et il pouvait faire quelque chose, mais il a juste élargi sa voiture au maximum pour que Hamilton ne dépasse jamais. Mais là Ricciardo, c'était juste, voilà, il n'y avait pas non plus un rythme de folie. Bon, Valtteri Bottas est cinquième, moi je suis désolé. Juste pour revenir sur Ricciardo. C'est juste pour dire que aussi que ça lui rend un petit peu l'appareil pour Monza. En gros, Ricciardo peut dire à Norris, j'ai fait aussi le travail pour toi à Sochi. Ouais. Après, si toi t'as pas réussi à transformer l'essai, c'est pas de ma faute, mais au moins il a rejoué le jeu dans l'autre sens. Et 15 jours après, donc ça aussi pour l'harmonie dans l'équipe, ça est intéressant aussi, je pense. Ouais, effectivement, c'est sûr que les deux maintenant peuvent voir qu'ils peuvent compter sur l'autre et c'est tout à fait positif. Valtteri Bottas 5e, moi je suis désolé, je n'accepte pas ces 48 premiers tours. Après, vous en faites ce que vous voulez, les 5 derniers, machin, dites que c'est un génie, faites comme vous voulez. Et encore, quand on regarde les caméras marquées, bah, il roule. Hein. Écoutez, il pilote une Formule 1, qu'est-ce que vous voulez. Il fait pas d'erreur au moins, ça je conteste pas, mais bon, il a piloté la meilleure voiture du plateau avec les pneus qui étaient dans le bon état. Mais voilà, Bottas, moi je suis désolé, mais. La course, si on considère que la course était ce qui était sur le sec, était désastreuse. C'est affligeant. On en revient à ce qu'on disait au début. Il se fait passer rapidement par Verstappen et surtout, il n'arrive pas à suivre le wagon Verstappen. Alors que Charles Leclerc, qui avait indiqué avant le week-end qu'il voulait se qualifier, donc, enfin, il serait au niveau de Verstappen sous la grille, il voulait suivre Verstappen. Finalement, c'est ce qu'il a réussi à faire, Charles Leclerc, avec une Ferrari. Valtteri Bottas, il a une Mercedes. C'est pas la même chose. Alors, on doit quand même pouvoir être capable de suivre le rythme de Verstappen au moins sur les lignes droites, du coup, de pouvoir en profiter, ce moteur Mercedes, quand même, tout neuf, encore une fois, deuxième moteur neuf de week-end. Je veux dire, il n'arrive pas à dépasser, quoi. Il n'arrive pas à remonter. Je sais que Verstappen, à un moment, se retrouve 7 ou 8, je crois, et il était encore, lui, 13 ou 14. pour moi, c'est incompréhensible. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a un blocage psychologique qui ne devrait plus y avoir, puisque voilà, il a signé chez Alfa Romeo, il est tout à fait libre de dérouler ses courses et d'attaquer. Je pense qu'on ne lui en voudra pas d'aller jouer des coudes face à d'autres pilotes en course, mais non, il reste bloqué sur ça, alors qu'il sait qu'il a des points importants à aller chercher au championnat constructeur. Heureusement que la pluie sauve effectivement sa fin de Grand Prix, sinon c'était encore, je pense, des choses très négatives qu'on aurait pu dire sur Bottas à la fin du Grand Prix, et peut-être même de la part de Toto Wolff. J'entends très clairement que c'était pas un changement stratégique, parce qu'il avait vraiment un souci avec son moteur de Monza, avec son moteur neuf qu'ils avaient mis là. Mais à un moment donné, si t'es devant Verstappen, fais quelque chose, quoi. Enfin, je sais pas, Manu, je pense qu'on va être d'accord. C'est bouge. Alors, je demande pas ce qui bouge au freinage parce que c'est un scandale, mais qu'il montre quelque chose. On l'a vu se faire passer par Verstappen et par Leclerc. Il a pas bougé d'un iota. Il en a rien à faire. C'était terrible. C'est vrai que c'est. En fait, j'ai l'impression que. Et c'est là qu'on peut se dire, oui, effectivement, c'était pas un changement stratégique parce que Bottas n'est pas bon dans le peloton. Alors, enfin, en tout cas, avec cette voiture, il n'arrive pas à gérer la Mercedes autrement qu'en tête. Alors, j'espère que ça ira mieux pour lui chez Alpha, qui retrouvera son côté qu'il avait chez Williams, parce que chez Williams, il était très très bon dans le peloton. Soit sa première année où la voiture était en fond de peloton, ou les années suivantes jusqu'en 2017 où la voiture était sur la première moitié de la grille, on va dire. Il a toujours su faire, et là, c'est vrai qu'il n'y arrive plus. Alors, est-ce que c'est parce qu'il manque d'habitude? On dit souvent qu'un pilote qui passe trop de temps en tête a du mal, des fois, quand il est un peu dans la bataille. Vettel a un peu ce problème-là aussi. C'est vrai que chez Bottas, c'est vraiment exacerbé, et là, ça a été malheureusement le gros problème, c'est-à-dire qu'il passe de mémoire 5 tours derrière Gasly, donc c'est trop quand tu as une Mercedes, même si c'est une AlphaTauri qui n'est pas mauvaise. Et après, il rebloque derrière Gasly pendant 7 tours, non, même 10 tours, donc c'est pas normal. Donc il y a un gros problème chez Bottas quand il s'agit d'être dans le peloton et quand il s'agit de remonter. Et je pense que, encore une fois, Mercedes n'aurait pas misé sa stratégie sur juste le fait qu'il bloque Verstappen, parce qu'il y avait quand même. On l'a vu venir, en tout cas, qu'il n'allait pas bloquer Verstappen. Donc, par contre, il y a vraiment eu un problème sur le moteur. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mercedes n'a pas menti pour rien. Et ils avaient tout intérêt à ce qu'il aille au bout de la course. La preuve, il finit cinquième. Mais c'est vrai qu'il finit cinquième parce que Mercedes l'appelle au stand au cas où, en fait, pour couvrir le fait que si jamais la pluie arrive plus vite que prévu, ils auront un pilote qui sera devant pour aller chercher les gros points. Mais il doit sa cinquième place qu'à ça. Il n'a pas mérité sa cinquième place au long de la course, contrairement à d'autres pilotes qui sont restés aux avant-postes pendant une grosse partie, en fait. Et tu dis, l'AlphaTauri n'est pas mauvaise, ça. Moi, j'aimerais quand même dire que Sochi, on l'a vu vendredi, enfin, les écarts étaient quand même assez immenses. C'est un circuit qui met des écarts en exergue. On voit Red Bull et Mercedes étaient loin devant. On va pas se le cacher. Deuxième moitié de course, Hamilton met une pilule à Norris jusqu'à ce qu'il se retrouve derrière. Et Norris a quand même très bien joué le coup, on va en parler bien sûr, mais je ne vais pas diminuer sa performance. Enfin, Hamilton, il lui collait des 7-8 dixièmes par tour, c'était assez fou de voir un écart pareil. Voilà, Bottas est censé faire mieux. Alors bon, c'est pas grave, je voyais dans le chat, Toto va-t-il tolérer ça longtemps? Jusqu'à la fin de l'année, de toute façon, maintenant, il ne reste plus le Grand Prix, on y est. C'est sûrement la raison du remplacement, hein. C'est-à-dire qu'il ne tolère plus ça, donc on change le pilote. C'était compliqué. Hein. Je suis assez d'accord là-dessus. Voilà, il a vu ça, mais quand je vois Bottas, voilà, coincé derrière Vettel, Leclerc, Raikkonen, c'était fou. C'est-à-dire que ouais, il passe 4 tours derrière Raikkonen jusqu'à ce que la pluie arrive, quoi. C'est pour moi, c'est quand même pas tout à fait logique, quoi. Donc, le meilleur finlandais était limite pas Bottas ce jour-là, quoi. Mais après, il faut après Bottas, de toute façon. Là, les conditions n'étaient pas tout de suite mouillées pendant la course, mais c'était des conditions un peu à météo changeante et froide, et ça, c'est des trucs en plus qui ne lui conviennent pas. Et on avait vu déjà à Imola, c'était pareil. Et à Bakou, je crois, de mémoire, il ne faisait pas très chaud le jour de course, et il a été incapable de garder ses pneus en température. Et à Bakou, il fait un restart 10e avec sa Mercedes, et il se retrouve 14e un tour plus tard. Donc, c'est un pilote qui, quand ça ne va pas, ça ne va plus du tout, en fait. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'a pas, et quand ça va très bien, ça va vraiment très très bien, comme on l'a vu vendredi ou comme on l'a vu déjà même en Russie l'an dernier, où il avait dominé la course. Là, ça a été l'inverse, et c'est vrai que c'est toujours un peu embarrassant à voir. Quoi. On va attendre un Grand Prix de Saint-Pétersbourg sur neige avec des pneus cloutés pour voir. Il devrait être content. Mais je ne sais pas si ça marcherait tant que ça. Mais en tout cas, bravo Valtteri Bottas pour sa cinquième place. C'est bien, ça fait des gros points pour Mercedes, c'est important. Bien joué. Je me chose de ma casquette, bien évidemment. Quelle belle sixième place de Fernando Alonso. Quel départ exceptionnel. Allez, moi, encore une fois, hein, c'est un truc que je trouve extraordinaire, c'est-à-dire qu'il fait tout ce qui est illégal en Formule 1, mais il le fait tellement avec une classe naturelle qu'on trouve ça formidable. C'est vrai que... J'ai re-regardé le onboard du départ, il passe comme un demeuré dans l'espèce de coin entre les deux plots où on leur a demandé de passer, c'est-à-dire qu'il fait comme Sainz l'an dernier, mais Sainz s'est arrivé avec un angle fermé et s'était craché dans le mur. Et lui, en fait, une fois qu'il a vu que ça freinait pas, il a pris large et après il s'est réaxé face à l'espèce de petite porte. Et genre, il passe là-dedans, je pense qu'il est à 180 et il rentre sur la piste n'importe comment. Et après, je pense qu'il s'est rendu compte qu'il avait gagné 4 places et du coup, il se met à ralentir pour laisser passer d'autres pilotes. Mais c'est vrai que c'est merveilleux quoi. Mais moi, je il pense. Il l'a forcément testé en simulateur, ça, là, c'est pas possible. C'est-à-dire que le gars, mais il l'avait préparé. Il n'a jamais songé à prendre le virage correctement, ça qui est quand même extraordinaire. Parce que là, pour vous donner une idée, effectivement, Sainz a fait un peu la même l'an dernier, mais il s'est explosé. Là, si Alonso tape le mur, il embarque 3 ou 4 pilotes avec en traversant la piste. Enfin, c'est un carnage monumental. Mais là, il est passé. Merci beaucoup. Et moi, je suis même pas si sûr que ça qu'il ait vraiment laissé passer tant que ça. C'est qu'il était pas sur une bonne trajectoire pour le grand virage à gauche. Il avait un peu de mal. Ouais, mais... Je pense que s'il avait vraiment gagné des places, je pense que ça aurait été pénalisé quand même s'il avait suivi le chemin. Parce que, c'est compliqué, c'est vrai, comme toi, il avait suivi les règles. C'est ça, hein, c'est la FIA dit. L'an prochain, ça passe comme ça. Hein. L'an prochain, on aura une chicane bien dessinée qui fera perdre 5 secondes à tout le monde et qui permettra de revenir sur la piste. Donc, non, franchement, c'était assez fou. Après, il fait une très très belle course. On parlait d'Esteban Ocon qui était très bon. Là, il a un peu perdu les pédales. Ocon, ce week-end, il était vraiment pas là. Alonso, lui, a largement tenu à braque. On rappelle qu'il dépasse Max Verstappen avec sa Red Bull, qui certes avait des pneus qui étaient un peu cramés, mais enfin, fallait quand même passer. Et puis, quand la pluie arrive, Manu, je suis désolé, effectivement, Manu a été extraordinairement étanche vu la fin de course de McLaren. Mais enfin, moi, c'est là où j'ai commencé à perdre les os, parce que je le vois passer troisième, à dépasser Perez, à marcher sur l'eau. Et si ça avait tenu, ça aurait fait podium pour Fernando Alonso. Mais il a été, encore une fois, voilà, absolument excellent. Et c'est pas uniquement la casquette de la mauvaise foi qui parle, là, c'est juste. À mon avis, une analyse logique quoi, de son week-end qui était très bon. Il est très très fort depuis quelques courses. Là, il est revenu. Je crois qu'il a été un peu vexé par le fait qu'Ocon était devant lui, parce qu'Alonso, il faut pas oublier qu'il fonctionne aussi beaucoup à l'ego. Et je crois que là, ça a très bien marché, c'est-à-dire qu'il fonctionne avec l'ego, mais la bonne partie de son ego, pas celle qui râle et qui rejette la faute, celle qui bosse comme un acharné pour être au niveau. Et en fait, il fait 20 points sur les 3 dernières courses. Il a fait quatrième en Hongrie et il est tout le temps là, il est tout le temps en Q3, il est tout le temps, hormis, je crois qu'il monte la Q3 à Spa, si je dis pas conneries, mais il est tout le temps au niveau et il est sur un très très gros rythme depuis son, on va dire depuis la moitié de la saison actuelle passée. Et je pense que le meilleur reste à venir parce que là, il est en train de reprendre ses marques. Je crois que c'est depuis Silverstone qu'il a débloqué quelque chose avec la direction assistée qui a changé. On l'avait vu à Silverstone, il était très en verve aussi. Et là, effectivement, son boulot en course est vraiment phénoménal. Au-delà de son premier virage qui est comique, le reste est vraiment, vraiment très fort. Il est très solide et puis il ne fait pas d'erreur, donc ça aide aussi. Après, ouais, il espérait quand même finir sur le podium. Il a quand même dit qu'il était très frustré de ne pas avoir fini sur le podium. Je pense que l'équipe le méritait vraiment, pour le coup, vraiment beaucoup, presque plus qu'en Hongrie. On va dire, son podium... devait être là, voilà, mais c'est encore lui qui a manqué de chance sur ce week-end-là. Mais non, mais Fernando Alonso, il reprend vie, pour parler crûment, de Grand Prix en Grand Prix cette saison. Je pense qu'il reprend goût à la Formule 1, au fait qu'effectivement, il peut se battre avec d'autres pilotes plus huppés dans des meilleures monoplaces. Et c'est que de bon augure pour l'année prochaine. Si l'Alpine de l'année prochaine n'est pas ratée du tout, on aura du grand Fernando Alonso. Moi, j'ai toujours été un petit peu, contrairement à Michael, un petit peu toujours mitigé sur Fernando Alonso, parce que effectivement, il y a toujours le côté un peu politique du personnage qui ressort un peu. Voilà, mais il faut pas lui ôter le talent, il faut pas lui ôter le fait que quand ça va bien, il est là, il répond présent, il motive l'équipe, il drive tout le monde. C'est un moteur derrière. Donc voilà, quand il sent que quelque chose de positif peut s'enclencher, il fait en sorte que tout le monde s'enclenche derrière lui. Et c'est là effectivement qu'il peut devenir une machine à gagner pour la suite. Alors, gagner peut-être pas des grands prix tout de suite, mais au moins une machine à remonter très fort en fin de course, sur oui, après l'année prochaine, j'espère surtout avec une Alpine plus rapide. Mais voilà, il fait vraiment un très très bon week-end, Fernando Alonso. Donc, et en fait, ça va crescendo en fait depuis le début de saison où Ocon effectivement le dominait un petit peu. Ça s'est équilibré à l'été et là, j'ai l'impression qu'il est en train vraiment de prendre l'ascendant de manière assez nette, enfin, de manière beaucoup plus nette. Donc j'espère que ça causera pas du tort au moral d'Esteban. Mais voilà, c'est quelque chose qui fait plaisir à voir pour Fernando et certainement aussi pour ceux qui lui ont fait confiance chez Alpine. Faut pas me faire de faux espoirs en pensant que l'Alpine. Non, pourtant, je dis ça de manière. Alors que j'ai toujours été d'avoir un avis très neutre sur Fernando ces derniers temps, effectivement, parce que j'ai vu effectivement ça. Voilà, chez Ferrari, bon, ça s'est mal fini quand même aussi. Chez McLaren, ça s'est mal fini aussi. C'est partout. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et donc voilà, j'ai toujours eu un avis un petit peu, pour le coup, un peu négatif. Voilà, chez Toyota que c'était bien. J'ose l'admettre, j'ai jamais été effectivement extrêmement fan de ce pilote, mais j'ai l'impression qu'avec un esprit plus libéré, avec des enjeux un peu moindres sur une saison ou sur même un moyen terme, en gros, je vise le titre, tant mieux. Si je le vise pas, bah, tant pis, c'est comme ça. Je prends ce qui arrive sur les années à venir. Je le trouve un peu plus libéré, forcément plus sympathique aussi. Voilà. Donc j'espère qu'on continuera à avoir ce Fernando-là sur les prochaines courses et les prochaines saisons. Profitez-en, parce que si l'an prochain il joue le titre, il va être insupportable. Mais alors là, oh là là là là. Ah, des déclarations à la con qui pourraient arriver soudainement. Imaginez, il gagne un Grand Prix à dire hey, mais Schumacher, il l'a pas fait quand il est revenu. Ah, ça va être insupportable. Moi, je vais me délecter de tout ça. J'espère que ça devienne insupportable pour les gens qui n'aiment pas Fernando Alonso à la base, mais ça pourrait être compliqué si l'Alpine est très bonne et s'il joue les premiers rangs. En tout cas, une très jolie sixième place ce week-end. La septième place donc pour Lando Norris, là, malheureusement, c'est une très très grande désillusion et on peut largement le comprendre parce qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour remporter son premier Grand Prix. Moi, je trouve qu'en fait, ce qui est le plus intéressant dans son Grand Prix, c'est son meilleur tour. C'est au moment où Lewis Hamilton commence vraiment à lui mettre la pression, il arrive à répondre du tac au tac à Hamilton. Et ça, c'est quand même le signe de quelqu'un qui était en parfait contrôle ce dimanche. Il a tout bien fait. Et puis, malheureusement, quand la pluie est arrivée, je pense que il y a un petit peu de sa jeunesse qui a parlé, quoi. Effectivement, il y a de sa jeunesse qui n'était pas tout à fait enclin à respecter les consignes de l'équipe. En même temps, les consignes de l'équipe n'étaient pas très, pas très claires. C'était pas des consignes, c'est bien le problème, en fait. C'est que c'était des consultations. Ouais, mais alors, ça, tu vois, Manu, moi, j'avoue qu'il y a quand même, parce que globalement, le mot d'ordre, j'ai l'impression, c'est quand même beaucoup disent que Norris aurait dû écouter son équipe. Et c'est un peu ce qui ressort et c'est aussi comme ça qu'on dit Hamilton a écouté son équipe, ça lui a profité tout ça, mais fut une époque quand on a découvert la F1 et même un peu plus tard on était tous d'accord pour dire que quand il pleuvait ou quand il y avait ces conditions là la seule personne habilitée à décider des pneus, c'était le pilote, c'est lui qui prend la décision. C'est pour ça que Jenson Button a fait des super résultats dans ces courses là donc ici je trouve que ça change un peu, c'est un peu particulier. En fait, Button faisait très bons résultats sur piste changeante, pas sur conditions météo changeantes. C'est-à-dire que lui était capable de voir que la piste s'était améliorée et que c'était le bon tour pour changer. Le meilleur exemple de ça, c'est Australie 2010, où il s'arrête trop tôt. Il sort de piste en sortant sur la piste, mais il arrive quand même à finalement faire deux secteurs suivants qui sont vraiment meilleurs. Par contre, là, dimanche, en fait, c'était des conditions changeantes. C'est-à-dire que la pluie arrivait, elle a l'air doublée, et McLaren, à aucun moment, ne l'a dit à Norris. Et en fait, au moment où Mercedes dit à Hamilton pit, il refuse et après Bono lui glisse dans le tour suivant que c'est en train d'empirer et à la fin du tour il lui dit pit et vraiment genre très, très strictement il lui répète trois fois et Hamilton s'exécute. Et chez McLaren on a dit à Norris une première fois qu'il y avait des pilotes qui sortaient de la piste, donc là c'est le moment où il dit shut up parce que lui il a autre chose à faire, il se concentre sur sa course, c'est normal, il n'a pas le temps de prendre des pincettes en disant veux-tu m'excuser, j'ai besoin de me concentrer, merci de ne pas me parler. Ensuite, on lui demande s'il veut des intermédiaires, il dit non. Et à ce moment-là, comme dit Hamilton, ça c'est le tour 49, Hamilton aussi a dit, moi je ne pensais pas que c'était le bon moment et je ne voulais pas les mettre. Mais derrière, en fait, à partir de là, son ingé lui dit des choses qui ne sont pas forcément très intéressantes. Et à la fin, il lui demande juste, est-ce que tu veux rester, est-ce que tu veux prendre les inters? Et Norris redit non. Alors qu'en fait, il y a ce moment où au moins au tour suivant où Hamilton s'est arrêté, ils auraient dû le faire rentrer. C'est-à-dire qu'il fait un tour où lui, en fait, son idée, c'était que la piste ne se dégradait pas trop vite et qu'il allait perdre entre 3 et 5 secondes au tour, ce qui était suffisant pour faire 5-6 tours. Sauf que la pluie augmente, spécialement sur les virages 5 à 7 et 10 et 12. Et en fait, lui, à ce moment-là, pense que ça va le faire. Et son ingénieur voit pourtant qu'il a déjà perdu 9 ou 10 secondes sur Hamilton en deux secteurs. Et là, il aurait dû le faire rentrer pour au moins dire, bah voilà, on sauve la deuxième place et puis on voit si Hamilton fait une erreur ou si on peut lui mettre la pression. Et en fait, il ne le laisse pas. Il le laisse, enfin, ils lui font aucune consigne, il le laisse faire ce qu'il veut. Et lui pense que c'est encore le bon moment de rester sur la piste. Il fait un tour en 3 minutes 11. Et 3 minutes 11, bah, ça fait perdre la course et ça fait finir 8e. Enfin, 7e après, ce qui redouble Raikkonen. Et en fait, à aucun moment, il y a eu une consigne. Alors, dans l'autre voiture, Ricciardo prend la décision lui-même de s'arrêter un tour plus tôt. Ou même, enfin, du coup, 3 tours plus tôt que Norris. Un tour plus tôt que tout le monde. Mais parce qu'il n'avait plus de température dans les pneus. Mais sinon, encore une fois, Norris est un jeune pilote. Il faut lui donner des consignes. Il faut driver, surtout dans une situation qui était la première fois qu'il la vivait, quoi. Mais je pense que McLaren a aussi paniqué avec les infos qu'ils avaient sous les yeux. Tout à fait d'accord avec toi, Manu. Pour moi, c'est une faute de l'équipe avant tout, parce que l'équipe a une vision globale sur tout le circuit, sur les secteurs de chacun, sur le fait que ça se dégrade ou pas. Quand on a une averse très franche sur tout le circuit ou sur une grande partie du circuit, il n'y a pas de question à se poser, effectivement, si tu fais rentrer le pilote. Ça. Quand il n'y a que des observateurs extérieurs à la voiture qui peuvent avoir une vision globale de la situation et donc savoir effectivement où ça pleut, où ça sort, où c'est en train de ralentir, c'est à l'équipe de dire « là, il faut t'arrêter parce que le prochain tour, tu vas morfler ». Et voilà, ils auraient dû imposer leur vision à l'équipe. Alors je pense que McLaren, effectivement, ça fait très longtemps, et encore moins les gens qui sont actuellement en commande de cette équipe n'ont pas vécu effectivement ce genre de situation à répétition, des Grands Prix sous pluvieux où une victoire est en jeu. Mmh. Alors, parce qu'on parle quand même de Monza, première victoire depuis presque 9 ans derrière, donc voilà, ça fait très longtemps que cette équipe est complètement neuve. Et donc, peut-être qu'ils ont aussi été paralysés par l'enjeu sur le mur des stands en disant qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on laisse le choix à Lando ? Est-ce qu'on laisse le choix à... Est-ce que c'est nous qui l'imposons ? Voilà, c'était effectivement très délicat parce que je pense qu'eux-mêmes ne voulaient pas être en position de dire merde, c'est nous qui t'avons fait perdre la victoire, quoi, parce qu'on t'a imposé la mauvaise décision. Sauf que, je suis désolé, dans ces cas-là, ça ne peut être que l'équipe qui doit imposer sa décision. C'est ce qu'a fait Mercedes. Mercedes a intimé l'ordre à Hamilton de s'arrêter une fois. Il ne l'a pas fait et finalement, c'était la bonne décision, mais ça, on ne peut le savoir qu'a posteriori. Hamilton s'est arrêté dans le bon tour. Mais Hamilton, il n'avait rien à perdre. Il faut rappeler qu'au moment où Hamilton s'arrête, il y a 40 ou 45 secondes de marge sur le deuxième, parce que les autres se sont arrêtés derrière. Donc il y a un trou qui s'est creusé. Donc au pire, Hamilton s'arrête et il perd rien, il reste deuxième, puisqu'il n'arrive de toute façon pas à dépasser Norris en piste. Et Norris, lui, la seule façon de gagner ce Grand Prix, ça aurait été de s'arrêter en même temps qu'Hamilton, donc de devancer son adversaire, parce qu'il était devant en piste, donc ça aurait été à lui de prendre l'initiative d'aller piter en premier. Mais s'il avait fait, Hamilton ne serait pas arrêté. Donc c'est ça. On imagine. Exactement. Et du coup, Norris aurait gagné ce Grand Prix-là. C'est extrêmement difficile, hein. C'est délicat. Voilà, vous êtes dans la chaleur du moment, il y a une averse qui vous tombe dessus, vous êtes en piste, vous avez un tour en 1,40 à peu près, grosso modo, 1,50, presque 2 minutes après sous la pluie. Vous avez ce laps de temps-là pour analyser tout le monde, ce qui se passe, qui passe les pneus, qu'est-ce qui se passe pour qui, quand. C'est compliqué, voilà, même s'il y a plein de stratèges dans les équipes, même s'il y a des gens dans les usines qui ont toutes les data, qui analysent ça en temps réel, qui drive l'équipe en piste pour leur dire attention, faut faire ci, faut faire ça. Quand vous avez ce genre d'événement très soudain et localisé, c'est extrêmement difficile de prendre la bonne décision. Mais pour moi, je mets quand même plutôt la faute à McLaren sur le fait qu'ils auraient dû avoir une meilleure vision globale et imposer leur choix, ce qu'a su faire Mercedes à Hamilton. Voilà, après, c'est comme disait Toto Wolff, et Toto Wolff l'a reconnu, c'est McLaren qui avait tout à perdre sur ce Grand Prix-là, dans cette situation-là, puisque c'est eux derrière qui avaient, entre guillemets, la maîtrise du timing. Voilà, donc c'est très dommage pour Lando Norris, parce qu'effectivement, ça aurait été magnifique de voir une deuxième victoire de McLaren cette année. J'avais été le premier à dire 15 jours avant qu'on ne reverrait pas une deuxième victoire de McLaren cette année. Donc voilà, j'assume totalement le fait que ça aurait pu... Alors, et quand tu as raison. Voilà. Non, mais, il n'y en a pas eu, mais la pluie a quand même rebattu les cartes en qualification, ce qui nous permet d'avoir cette grille-là, ce début de course-là, le fait que Russell protège, effectivement. Donc il y a aussi ces conditions-là. S'il y avait une course normale sur le sec, jamais de la vie McLaren gagnait à la régulière face à Mercedes et Red Bull. Mais voilà, donc Lando Norris, il en aura plein des occasions de gagner, mais j'en suis sûr et certain, c'est un pilote en devenir, et si c'est pas chez McLaren, ce sera ailleurs, parce que on va s'arracher ce jeune pilote qui sera plus très jeune quand il quittera McLaren. Mais voilà, je pense effectivement que Voilà, c'est dommage pour lui. Sa peine a été extrêmement difficile à voir à la fin de la course. Le voir pleurer comme ça, les yeux tout rouges de pleurs et de sanglots devant les caméras. C'est-à-dire quelques voilà, 10-15 minutes après, c'est-à-dire que voilà, il a dû encaisser vraiment beaucoup, beaucoup le coup. Mais voilà, c'est pas de chance pour lui. Et je pense que maintenant, ça va le marquer pendant un petit bout de temps. Voilà, ça va le marquer pendant un petit bout de temps, mais il va falloir passer à autre chose. Ouais, alors c'est l'avantage de se dire qu'il y a quand même de belles chances d'y arriver un jour quand même à cette première victoire. Bon, on ne sait jamais, hein. C'est déjà arrivé évidemment dans l'histoire de la Formule 1 que certains passent très près et puis ne gagnent jamais derrière. Mais c'est vrai qu'avec sa jeunesse et avec le fait quand même qu'il y a de grandes chances qu'il se retrouve dans une voiture qui pourrait le faire un jour, quoi. Je pense que c'est ce qu'il doit se dire. Mais sur le fait, il faut toujours essayer de profiter de ces chances-là parce qu'elles n'arrivent pas très souvent. Et effectivement, ça me rappelait évidemment la désillusion de George Russell l'an dernier à Sakhir, ouais. Qui lui aussi avait connu évidemment. Une condition et une fin de course assez terrible. Kimi Räikkönen termine 8e. Enfin, messieurs, je suis désolé, mais on n'arrête pas de dire depuis 8 Grands Prix qu'à chaque fois qu'il se passe des trucs, Alfa Romeo arrive quand même à faire 13 et 14 et c'est terrible et vraiment il profite jamais. Bah voilà, Räikkönen dans les points, ça fait plaisir. Il est revenu et il a quand même montré des bonnes dispositions ce week-end. Voilà, il a montré que tout va bien maintenant, il s'est parfaitement remis et puis il a bien repris le volant de cette voiture. Bon, rassurez-vous, l'autre Alpha termine 16e, hein, donc comme ça au moins on a gardé un peu les bases. On est d'accord, messieurs, que pour Giovinazzi c'est fini maintenant, je pense que là. Ouais, alors on module quand même par le fait que Giovinazzi n'avait plus de radio du tout depuis le premier tour. Donc tout se passait par panotage pour lui. Oui, mais quand il s'est planté plusieurs fois dans le week-end, il avait une radio, donc ça, moi, je... Ah oui, non, là je suis d'accord avec toi. C'est juste pour justifier un peu le résultat un peu oui, plus mauvais que ce qu'il aurait pu être. Voilà, c'est qu'effectivement, sans radio dans le dernier tour, derniers tours, c'était vraiment, à mon avis, ça va être l'enfer, parce que forcément, t'es prévenu par panneau que tu vas devoir t'arrêter, donc tu perds déjà un tour à voir que tu vas devoir t'arrêter. C'est ça. C'est très, très compliqué, quoi. Mais bon, Giovinazzi, je pense qu'il a dû apprendre qu'effectivement, si ça avait la chance de sauver son baquet, il est en train de faire un peu tout et n'importe quoi, de lancer tout dans la bataille. Ça passe ou ça casse, et là, c'est plutôt en train de casser que de passer. Je pense que malheureusement, Giovinazzi, il a perdu son baquet. C'est donc clair, parce que même Frédéric Vasseur dit lui-même qu'il suivait les résultats de Sochi en Formule 2. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'on aura une décision, ça risque de plus trop tarder non plus. Mais je pense, effectivement, pour Antonio Giovinazzi, la chance en Formule 1, en tout cas chez Alfa Romeo, est passée. Après, je ne sais pas si une autre équipe pourra le repêcher. Il a quand même une certaine expérience, il a quand même un petit bagage à vendre, entre guillemets, en tant que pilote de réserve, quelque part, peut-être. En tout cas, de Ferrari, certainement, l'année prochaine, au pire. Ouais. Mais voilà, le retrouver au volant d'une monoplace en Grand Prix, je pense que c'est, à mon avis, très, très difficile, étant donné le nombre de jeunes pilotes talentueux qui attendent derrière leur chance. Ouais, je suis d'accord. En plus, on voit que tous les pilotes auxquels Vasseur réfléchit, enfin, Zou a été vraiment pas très bon ce week-end, mais on voit que Piastri et Pourchaire ont été très très bons dans le week-end. Je pense que si Vasseur commençait tout juste à regarder ce que faisait Piastri, il a dû un petit peu être impressionné. Pourchaire a été très bon à Sochi aussi, et c'est vrai que Giovinazzi, lui, enchaîne les mauvais points. Je pense que ce qui reste le plus impardonnable, c'est son erreur au premier tour à Monza, parce qu'il y avait un vrai potentiel de top 5, top 6 pour Alpha. Ils avaient le rythme, lui il l'avait aussi, et en fait il gâche tout par pure bêtise dans le premier tour. Donc là, ce week-end, bah, c'est pareil, c'est encore une course compliquée, et il a le bénéfice du doute pour la course, mais bon, de toute façon, il semble qu'il veut en faire trop, et il veut en faire beaucoup et il en fait trop. Donc je pense que ça va s'arrêter en fin de saison. Après, le programme qui lui est réservé, a priori, ce serait potentiellement troisième pilote en F1 chez Ferrari et leader du projet hypercar Ferrari. Donc, ce serait... Il y a pire comme suite de carrière. Oui, et je pense qu'il sera peut-être mieux, finalement, dans ce nouveau rôle et puis dans quelque chose où il aura un petit peu le temps de souffler, parce que là, depuis 3 ans, il est sous pression constante. Vasseur lui signe des contrats d'un an à chaque fois. Il l'avait déjà repêché dès 2019. Il le repêche après Monza de mémoire, et alors qu'il était déjà sur la sellette, et depuis il est sous pression constante de faire des résultats, donc je pense qu'il a besoin aussi de changer un peu d'air. Ça sera peut-être effectivement mieux pour lui, notamment du côté de l'endurance, mais voilà, il a quand même prouvé des aptitudes en tant que pilote de F1, et c'est pas non plus, il n'aura pas une carrière honteuse, loin de là. Bien entendu, si ça venait à s'arrêter maintenant, sur Joe Perez 9e, bon, j'ai envie de dire que lui, Donc on fait un week-end à la Pérez. On va pas s'éterniser sur lui parce que c'est toujours les mêmes week-ends en ce moment. C'est-à-dire que le vendredi et samedi, c'est pas top. Et puis le dimanche, il gère les pneus. Et puis ça lui permet de remonter. Mais... Là, il s'est fait ruiner par la stratégie en fin de course. Ils l'ont arrêté un tour trop tard. Sinon, il était au niveau de Sainz et Ricciardo. Donc il avait quand même top 5 à faire. Ah, il jouait le podium, très clairement. En piste, en condition normale, il était 3e du Grand Prix. Et au moins, ça sauvait le gros point pour Red Bull. Hein. C'était pas pour être très critique que je dis ça. Mais effectivement, bon. Le vendredi et samedi restent quand même des points difficiles maintenant pour Sergio Pérez. Et c'est un peu, on l'évoquait dimanche, mais c'est un peu effectivement ce côté, bah, quand on n'est pas à l'aise totalement dans la voiture, on ne va pas aller chercher le dernier dixième en qualif, et puis on ne va pas être très bon dans ces conditions particulières, Franck. Parce qu'on le voit, il se fait passer par Alonso, il se met sous pression par Leclerc quand la pluie arrive, simplement aussi parce qu'il n'est pas encore à l'aise dans la voiture, donc forcément, bah, dans ces conditions compliquées, c'est pas facile pour lui. Il est pas là. Sur le sec, il sait gérer une course, c'est pas de souci. Il sait remonter ce qu'il faut, il sait assurer des gros points. Quand la monoplace est très délicate, en plus de la Red Bull, c'est de l'arrière qu'elle est très délicate. Alors, sous la pluie, je vous dis pas comme c'est encore plus amplifié, puisque voilà, il faut faire passer 1000 chevaux sous les roues arrière en intermédiaire ou en pluie. Donc là, c'était des intermédiaires sur ces 5 derniers tours. Quand vous n'avez pas confiance dans la voiture, vous en avez encore moins, confiance sous la pluie, quoi. Alors Red Bull lui ruine en plus un de ses arrêts, je crois qu'il se prend encore 8 ou 9 secondes dans les dents. Donc là aussi, il perd un petit peu de temps là-dessus sur ce Grand Prix, mais voilà, c'est dommage, effectivement, sur la fin de course, effectivement, il était bien placé. Je ne sais plus, moi, je l'ai même vu pointer deuxième ou troisième, il me semble. Il était troisième en fin de course, c'était sur le sec, il faisait troisième derrière les deux leaders. Exactement, donc sur le lap chart, il était troisième, c'est bien ce qui me semblait. Ça aurait pu être effectivement un très très beau résultat qui aurait compensé la remontée moyenne de Verstappen. Donc ça aurait été très bon pour le championnat constructeur pour Red Bull. Mais voilà, bon, la pluie a tout bousculé en fait dans l'autre sens. Voilà, tout vous prenez le quasiment. Voilà, c'est à part pour les premiers, à part pour Hamilton, en fait, ça tout a été inversé. Donc Verstappen s'est retrouvé devant, Perez s'est retrouvé derrière. Et voilà, alors après on va toujours parler de la chance du champion, de la chance des meilleurs. Et, voilà, Hamilton en a souvent profité, Verstappen là encore aussi. Mais la chance, on se la crée, on sait se la créer. Et pour l'instant, Perez, il n'a pas réussi à se la créer avec cette Red Bull. Sur aucun Grand Prix cette année, il n'a réussi à tirer son épingle du jeu sur une opportunité, une condition. Et Dieu sait pourtant qu'on a eu des courses disputées sur des conditions changeantes, sur des possibilités de faire des gros résultats avec des petites choses. Et il n'a pas réussi encore ça, à part une victoire à Bakou. Voilà, c'est le seul exemple de l'année, sinon ça reste extrêmement terne. Il avait été une masterclass de Perez, un Bakou au niveau gestion de gomme et tout, c'est vrai que c'était, c'était très fort. En France, il y a une belle gestion de gomme, mais en France, il fait podium aussi grâce à ça. Après, il y a plusieurs courses où il a été sacrifié par Red Bull au niveau des gommes pour ralentir une Mercedes ou souvent pour ça d'ailleurs, mais bon. C'est vrai que globalement, il est loin de toute façon. Après, c'est vrai que là encore, ce week-end, il fait tenir ses pneus 36 tours. C'est presque dommage finalement pour lui que la pluie ne soit pas arrivée plus tôt ou qu'il n'ait pas réussi à tenir plus longtemps avec ses durs. Mais bon, le truc, c'est qu'il arrive quand même à remonter troisième après son arrêt. Et puis au final, Red Bull l'arrête un tour trop tôt, mais trop tard. Mais bon, c'est vrai que il manque quelque chose à Pérez et encore une fois je pense que c'est vraiment la confiance dans la voiture et puis ouais, cette Red Bull de toute façon elle est piégeuse, ça fait un paquet de pilotes qui se cassent les dents dessus donc il y a toujours des gens qui refusent de penser qu'il y a un problème avec cette voiture, c'est pas qu'il y a un problème dans la seconde Red Bull, c'est juste que la Red Bull, je pense que Verstappen a un style de pilotage très à lui et ça pèse beaucoup. Ce que tu dis, là, Manu, est super intéressant parce qu'il arrive à faire tourner ses 36 tours avec une voiture piégeuse, avec une voiture équilibrée. Il retrouverait un petit peu le Pérez des années Racing Point Force India. Bien sûr. Il est capable de sortir du 40-50 tours avec des pneus en super état. Et ça, on verrait autre chose. Donc j'espère que c'est ce qu'il arrivera à avoir en 2022. C'est-à-dire qu'on le comparait avec Albon et Gasly en disant bah voilà, il se prend la même pilule en qualif, tout ça. Mais encore une fois, le dimanche, il crée quelque chose quand même. C'est-à-dire que même s'il part 9e, le dimanche, tu sais qu'il va remonter, il va aller retrouver une place qui est un peu plus honorable pour cette voiture-là, parce qu'il va faire une bonne stratégie, il va tenir ses gommes, il va réussir à faire quelque chose. Alors que précédemment, on restait 9 ou 10 quand on partait aussi loin. Quoi. Mais en même temps, comme le dit Xuan, heureusement qu'il se débrouille mieux, il a 10 ans d'expérience, évidemment. Mais oui. ils l'ont pris pour ça, et c'est aussi pour ça qu'il le garde. C'est pour avoir quelqu'un, parce que si c'est pour mettre... Qui voudrait-il mettre dans la deuxième Red Bull d'ailleurs, il n'y a plus personne. Tsunoda il a plongé. Gasly pourrait maintenant, avec l'expérience qu'il a, pourrait peut-être voilà, mais je pense que Gasly il va rester chez Alpha Tauri, il est bien content, il va créer quelque chose autour de lui. même si c'était compliqué ce week-end, mais voilà, faut à un moment donné, je pense qu'ils ont pris ils ont fait le bon choix. Je pense que Gasly ferait autant, prendrait la même chose qu'en 2019 s'il y retournait. Perez, ouais, globalement, le seul truc que je comprends pas chez lui, c'est pourquoi il y a eu une chute de performance. C'est-à-dire qu'en début de saison, il bat Verstappen en qualif dès le deuxième Grand Prix, il est plus proche. Il est sous la demi-seconde en écart régulièrement. Et là, c'est une performance qu'il n'arrive plus du tout à faire. Alors, est-ce que c'est Verstappen qui a réussi à lui aussi gagner en performance dans la voiture en travaillant et puis en la découvrant un peu plus? Ou est-ce qu'il y a un problème aussi chez Perez? Mais en tout cas, c'est, pour moi, c'est vraiment le gros mystère. Après, effectivement, s'il avait confiance en sa voiture et qu'on voit l'an dernier avec une Racing Point qui était en fait une Mercedes plus ou moins préconçue et qui marchait très très bien de base, bah oui, il arrivait à faire des relais super longs. Et. Concrètement, il joue 5 fois le podium sur les 5 dernières courses de la saison. Donc, c'est du gâchis. Mais après, c'est pareil. Est-ce que l'an prochain, ça ira pas mieux avec une réglementation remise à zéro et une voiture qu'il aura l'occasion de développer? Ça, c'est sûrement le cas. Parce que l'an prochain, on lui demandera son avis pour développer la voiture. Mouchette dans le chat nous dit après, il remonte avec l'une des meilleures voitures qui est la Red Bull. Oui, mais encore une fois, tout à l'heure, on vous a parlé de Valtteri Bottas qui est incapable de remonter depuis 4 ans avec la Mercedes. Et puis, Albon et Gasly dans la même voiture n'en remontaient jamais non plus. Albon un peu plus que Gasly. Mais Gasly, lui, par contre, il remontait pas du tout avec la Red Bull. Donc voilà, ils ont des outils à leur disposition, mais il faut encore savoir s'en servir. Et ça, c'est pas non plus le cas de tout le monde. Donc moi, je me dis au moins. Qu'il y ait quelque chose qui se crée le dimanche, c'est déjà plus positif que ce qu'on avait avant, où c'était d'une passivité incroyable parfois avec les pilotes. Gasly, on lui avait dit casse pas la voiture. Oui, bah oui, mais bon, on dit un peu ça à tous les pilotes de F1 aussi, hein, je pense. Hein. C'est plus marrant. Il a cassé deux fois l'hiver aussi, donc c'est un peu compliqué. Oui, et je crois d'ailleurs que j'ai lu une interview d'Helmut Marko qui dit que la 9e place de Sergio Perez, et c'est parce qu'en fait, comme Gasly s'est crashé en 2019 en essai, vous voyez, ils n'ont pas pu changer les trucs, donc du coup, la voiture est moins. Parce que c'était son excuse préférée, Helmut Marko, ça, en 2019, ouais. C'était assez incroyable. Chaque fois qu'il se passait un truc pas bien chez Red Bull, il se dit, mais bon, si Gasly ne s'était pas planté en essai aussi, on ne serait pas 14e de ce Grand Prix du Brésil. Voilà, c'est à cause de lui. C'était assez terrible. Bon, George Russell finit 10e. Bah écoutez, hein, encore un super week-end. Je pense qu'on va vraiment pas s'éterniser, mais il a fait du top. Quel qualif. Super, ouais. Évidemment. Quel qualif. Moi, j'ai cru au. J'ai vraiment vu un Hülkenberg Brésil 2012. C'est-à-dire qu'il était là. Ouais. C'était celui qui avait pris la meilleure décision en qualif de dire non, je fais pas le premier run. Qui sèche la piste, moi je pars en slick après avant tout le monde et comme ça je vais les avoir bien en température. Ça a failli marcher, il fait 3e sur la grille. En plus, il a dit que c'était un peu en concours circonstance parce qu'en fait, il a demandé à son équipe de préparer les slicks, mais en disant préparez-les au cas où. Et en fait, son équipe a pensé que lui, il les voulait. Et du coup, ils lui ont dit ok, bah rentre. Et en fait, lui, il n'a pas compris que l'équipe avait pris la décision pour lui. Et finalement, ça a payé. Alors que bon, c'était un peu miraculeux. Ça a finalement déclenché le fait que tout le monde repasse en slick derrière aussi. Et donc, il a un peu changé à lui tout seul la physionomie de la qualif. Mais il fait un tour monstrueux sur une piste qui n'était pas facile. Et encore une fois, je pense que quand il aura une très bonne voiture, on va découvrir un excellent pilote sous la pluie. Parce qu'il a l'air d'avoir des capacités, genre on l'a vu à Spa, il a l'air d'avoir des capacités très très bonnes quand la piste est mouillée. Non, on lui souhaite en tout cas, parce que ça va être chouette. Hein. Bah oui, non, mais c'est voilà, 3e en qualif, 10e en course encore avec Williams. Voilà, et très constant. C'est-à-dire que Russell a réussi son début de course comme son fin de course aussi. C'est peut-être le seul qui a été constant en fait, du premier au 53e tour, finalement. il n'a pas basculé d'un côté ou de l'autre. Bon, évidemment, il n'allait pas tenir la 3e place longtemps, même s'il a fait un peu comme Latifi en fait, à Hongrie. C'est-à-dire qu'il a tenu son rang sur le premier relais. Profiter de sa vitesse de pointe de sa Williams et de son moteur Mercedes pour effectivement ne pas se faire dépasser et du coup garder une bonne position, ce qui a permis effectivement à Norris de creuser l'écart devant avec Sainz. Donc c'est parfait, il fait encore une fois le week-end parfait. Russell, je pense que si Toto Wolff avait encore besoin d'être convaincu une 15e fois ou une 16e fois qu'il avait fait le bon choix, si Lewis Hamilton avait encore une 15e ou une 16e raison de craindre l'arrivée d'un jeune pilote à ses côtés l'année prochaine, je pense qu'on part. Voilà, je pense qu'il y avait. Voilà, c'est encore une Williams dans les voies, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on attendait, qui n'était pas du tout le cas en début de saison, et on s'est dit pourquoi. Une fin de saison changerait par rapport à un début de saison. Voilà, il n'y a pas d'évolution, les gens sont sur 2022, on va avoir une saison morne, ça ne va pas bouger, et puis finalement on se rend compte que les forces elles sont tellement serrées, que ça bouge un petit peu, ça continue à bouger dans tous les sens, c'est tellement serré que, bah non, effectivement, voilà, on voit maintenant Williams capable de jouer les points à la régulière sur chaque Grand Prix. Et voilà, et pour moi c'est bien parce que On dit, on avait quand même un petit avant-goût des années 90 en qualif avec McLaren, ouais. Ferrari, Williams. Donc, voilà, ça faisait, ça faisait très longtemps. Ça faisait aussi depuis 1975 qu'on n'avait pas trois pilotes aux premières places sur une grille de départ qui n'avaient pas gagné un seul Grand Prix. Voilà, c'est juste pour dire à quel point cette saison, elle rebat encore les cartes, quoi. Et c'était à Sochi, le Grand Prix de Russie, le Grand Prix en général le plus détesté de l'année, ou quasiment le plus détesté de l'année, quoi. Donc voilà, donc j'ai hâte d'être en Turquie là, sur un asphalte bien dégueulasse. Ah oui, non mais là ça va être encore extraordinaire, ça fait s'il peut deux gouttes là, ça va être terrible. Surprise and Delicate qui demande George était en F2 au même moment que Lando Norris. Oui, bah, il a été champion F2, hein, Russell face à Norris. C'est ça que les gens oublient, ouais. C'est-à-dire que depuis 2019, ils sont arrivés en F1 évidemment la même année, bah, Norris a été un peu sous le feu des projecteurs parce qu'il était plus haut sur la grille, tout simplement. Pendant que Russell, bah, il faisait un peu le travail de long à montrer. Non, mais moi, j'étais le champion. Et je pense qu'il a. Ça lui a fait 2 ans et demi où il s'est dit voilà, non, t'inquiète pas, mon vieux. Moi, j'étais le champion en F2, j'ai dominé la saison, j'étais bien. Mon heure viendra. Et maintenant que son heure commence à arriver, bah, il montre qu'il faut vraiment compter sur lui. Pendant 2 ans et demi, il n'a pas fait un seul point avec la Williams. Maintenant, ça fait 4 fois sur les 5 derniers Grands Prix, je crois qu'il est dans les points. Il a un podium, du coup, évidemment, en Belgique. Bref, il se fait une très très belle fin de saison, belle fin de saison, pardon, George Russell. Bon, Aston Martin qui fait 11 et 12, hein, que voulez-vous. Là, c'était. Alors, le Grand Prix de Lance Stroll était tout à fait correct et sympathique au début, jusqu'au moment où il a décidé de percuter tout ce qui bouge. C'est quand même très dommage. C'était magnifique. Il a eu les Sébastien Vettel à côté de lui, il a dit tiens, le mur, Gasly, dégage. Enfin, c'était formidable. Après, il a quand même écrasé sa voiture dans le mur aussi, mais il a réussi à repartir, je sais pas comment. Enfin, c'était. Le panache. Il a pété un câble. Il a pété un câble en fin de course, je sais pas. Ça a disjoncté. Il a vu la pluie, il a été tout foufou. Donc, celle-là. Super, c'est pour moi. Ah ben non. Et le pauvre Vettel, parce que moi, c'est Vettel, il est dans la même situation qu'à Monza où il s'est fait harceler par Stroll, mais il doit plus en pouvoir. Il fait son Grand Prix tranquillement, mais il se fait. Il se fait éclater, enfin, c'était extraordinaire, vraiment. Oui, la communication radio avant qu'il tape le mur, elle est assez savoureuse. On lui dit, non, mais c'est bon pour les sticks et tout. Et vloup ! Ah ben non, c'est pas bon. Voilà, on est parti. Non, bon, voilà, Aston Martin, ça devient. C'est un long chemin de croix, hein, cette fin de saison, quand même, pour eux. Ouais, c'est rude. Il y a le vrai faux podium de Hongrie, certes, mais alors depuis, c'est... Je pense que, ouais, on dirait que ça les a complètement démobilisés, en fait, ce podium, cette disqualification. Depuis, ils ont pas l'air d'être vraiment là, en fait. Je crois que ça les a totalement blasés et qu'ils ont accepté que de toute façon la 7e place c'était la leur et que je pense que maintenant ils travaillent que sur 2022. Ils parlent beaucoup moins. Ils ont dit à la pause estivale, ils avaient dit la voiture a beaucoup évolué depuis le début de saison et depuis ils ne parlent plus du tout de leur voiture actuelle en fait. Donc je pense que ce n'est pas un secret, enfin en tout cas, c'est pas un... ça traduit que le boulot a changé chez eux. Et puis ils ont de toute façon la tête sur tout l'avenir de l'équipe en fait. Le plan de Stroll il est sur 4-5 ans. Et le but, c'est l'an prochain jouer les podiums, l'année suivante jouer les victoires, et quand la nouvelle usine sera vraiment entièrement fonctionnelle, et ben jouer le titre. Et je pense que eux, ils sont déjà sur 2022 de toute façon. Je pense que Lawrence Stroll a dit à Netflix, il y aura un encart dans la prochaine saison dans les tours sur la route, il dit. Et si nos concurrents se demandent qu'est-ce qu'on a bien pu foutre en 2021, attendez de voir 2022 parce que là, c'est vrai que cette déclaration revient pour le hanter. On rappelle pour ceux qui n'ont pas forcément vu pilote de leur destin, hein, si on prend le titre français de la série de Formule 1 Netflix, il dit quand il montre un peu le projet Aston Martin, il dit et si nos concurrents étaient jaloux de nos performances en 2020, attendez de voir l'an prochain. Ben c'est tout vu. Malheureusement, c'est tout. Désolé Franck, parce que tu as un magnifique polo vert Aston Martin, mais là c'est compliqué. Ah, tu as remarqué quand même. Bah, oui. Ah, bah évidemment. Bah, toi, c'est un polo quoi? Lotus, non? C'est ça? Toujours, moi je reste sur c'était bien avec Kimi Räikkönen. Non, mais c'est vrai que là, les amis Aston, bon, 11 et 12, ils ne pouvaient pas faire beaucoup mieux que ça. Ouais. Pierre Gasly, 13e, voilà, c'est un week-end sans, il en faut bien quelques-uns dans l'année. Furieux en qualif, ça, je ne l'ai jamais vu comme ça. Il en a quand même tapé le halo. Le pauvre, c'était assez fou. Ocon 14, bon, bah voilà, hein, un grand prix qui était pas pour les Français, mais enfin, en même temps, ça peut arriver. Encore une fois, ils ont fait des très belles performances depuis le début de saison. Après aussi, pardon, désolé, juste aussi, ont été piégés par la stratégie. On les a laissés en piste le plus longtemps possible pour essayer, parce que la course était mal engagée pour eux, de profiter des conditions. Donc, de toute façon, ils se sont fait gâcher leur course, mais il n'y avait pas grand-chose à sauver. Oui, au con comme Gasly d'ailleurs, ça peut pas payer à tous les coups, je veux dire. Alors, au bout d'un moment, sur ce genre de conditions changeantes, faut accepter que des fois ça passe, des fois ça passe pas. Et voilà, c'est très très bien passé pour Esteban en Hongrie, il gagne. Ça s'est très très mal passé pour eux à Sochi. Et voilà, il faut aussi savoir l'accepter. C'est pas tout le temps la vie en rose. Voilà, Après, chez donc. AlphaTauri, je dois reconnaître quand même que ça casse très souvent. Hein, dans les stratégies, chez AlphaTauri, c'est compliqué. Hein. Rappelez-vous, souvenez-vous quand même que la victoire de Pierre Gasly, elle vient à la base d'un manque de bol, d'une stratégie bizarre. Enfin, voilà, c'était assez fou. Il se retrouve la stratégie ruinée quand la voiture de sécurité entre en piste. Et puis finalement, c'est formidable. Mais bon, voilà, c'est quand même toujours. On parle très régulièrement en fait, des performances stratosphériques de Pierre Gasly. À un moment, il y a toujours un petit mais. À un moment, ils font un arrêt au stand pas au bon moment, ils font ceci, ils font cela. Donc, à chaque fois, voilà, ce petit. C'est peut-être pour l'instant, je pense, là qu'ils doivent le plus travailler chez AlphaTauri, parce qu'ils veulent évidemment Clairement. créer maintenant ce projet autour de Pierre Gasly. Mais je mettrais quand même un petit carton jaune à Pierre aussi sur ce week-end-là, parce qu'il a beaucoup critiqué son équipe après les qualifications, ce qui a permis d'avoir une sortie de son directeur technique dans les médias, quand même, pour expliquer pourquoi effectivement ça s'est passé comme ça aussi pour Pierre Gasly en qualification, parce qu'il était très frustré. Il a clairement dit devant les caméras, il pointait clairement voilà, la stratégie de son équipe de ne pas lui chausser un autre train de pneus neuf intermédiaire en Q2, il me semble, voilà, pour pouvoir passer en Q3. Mais en fait, Pierre multipliait certaines erreurs dans différents secteurs. Alors, il a fait des erreurs, il a aussi été victime du trafic, mais il n'y a rien qui justifiait le fait qu'il fallait passer en pneu neuf aussi à un moment. Donc, je veux juste aussi revenir sur cet épisode-là, parce que voilà, peut-être qu'il y a eu une petite discorde au sein d'AlphaTauri à partir du samedi, qui a peut-être Ça n'a un pas peu aidé, ouais. déstabilisé et mis une tension dans l'équipe pour la fin du week-end. Donc voilà, donc c'est rare, mais il fallait le souligner. Heureusement, il y a 2 semaines. C'est bien, d'ailleurs, je trouve qu'on retrouve ce calendrier un peu 2 semaines. Il y a le temps de remettre les choses à plat. Parce que si on partait encore pour 2 Grands Prix de suite, ça aurait effectivement pu lancer une mauvaise lancée justement là-dessus. Bon, Charles Leclerc termine 15e, on l'a évoqué tout à l'heure. Effectivement, le Monégasque qui a vraiment pas eu de chance en fin de course. Giovinazzi, pareil. Tsunoda 17e, écoutez, là, ça devient. Bon, Ouais. je suis content pour lui qu'il soit renouvelé, comme ça au moins, bon, il va peut-être être catastrophique jusqu'à la fin de saison, mais l'an prochain il a une chance de voilà de se racheter. Mais c'était vraiment compliqué encore une fois pour le Les catcheur. rumeurs disent qu'il essaye de revendre son contrat à quelqu'un d'autre, le japonais. Nico Ah, Hülkenberg qui est à l'affût. c'est sur le bon coin, il doit y avoir une annonce. Pilote AlphaTauri, il a fait un placé titulaire, 5 millions de dollars. Il est tellement surpris de l'avoir eu que voilà, il Ah pense ouais, qu'il non, peut plus mais. la revendre. Je suis sûr, il y a Bah, que ça, j'étais surpris, surprise au début. C'est un gag. quand un pilote est surpris déjà d'être renouvelé, ça pose un peu le condition mentale dans lesquelles il se situe. Et puis c'est vrai que bon, là, il a 1 dixième de Gasly, mais parce que Gasly a une mauvaise stratégie et ses pneus s'effondrent, alors que lui il a des pneus neufs, donc normalement il aurait dû être devant. Et puis en course, bah, il est nulle part. C'est le seul qui a tenté des pneus tendres. Ils ont espéré que les pneus tendres fonctionnent sur une piste un peu mouillée. Finalement, ça a fini en tête à queue au fond à l'échappatoire du virage 13, donc ça n'a pas Moi, marché. je pitche pas du tout ça, sans parler de ses courses, effectivement, qui ont toujours été un peu brouillonnes, je pitche pas du tout sa baisse de perf énorme le vendredi et le samedi par rapport à avant. Alors, en nouvelle approche à Faenza et ça, mais ça n'a pas l'air de payer du tout, quoi. Je veux dire, si on se rend compte que ça ne paye pas, ben, remettez-le dans le focus du début de saison, laissez-le peut-être tenter plus de choses, d'aller attaquer un peu plus, d'aller rechercher les limites de la voiture, parce que là, on le sent. Je suis désolé pour la blague, on le sent bridé le japonais, quoi. Il fallait que je la fasse, je suis désolé. Il n'ose pas, il n'ose plus en fait. Il a tellement peur de mettre la Honnêtement. voiture dans le mur au-delà du vibreur qu'il se prend une valise, je crois que c'est 1,5 seconde ou 2 secondes encore de temps en temps sur certains tours. C'est Ouais. juste incroyable, Moi, c'est du il est rarement vu en clairement fait. plus là mentalement et j'ai rarement vu un pilote de F1 parler aussi mal de lui-même. C'est prodigieux quoi. C'est-à-dire que Il chaque n'y a déclin aucune maintenant, estime de lui. il est vraiment en train de dire non, mais c'est limite s'il nous dit pas. Non mais bon d'accord, super, ils m'ont renouvelé, mais enfin c'est incroyable parce que je suis nul, je vais C'est pas un ça. pied devant l'autre, Mazepine va plus vite, enfin c'est des trucs, je Limite, sais pas, ça me... on n'a pas entendu dire moi j'aurais choisi Lawson, ou tu vois. Mais non, mais en Vraiment, fait. allez chercher Piastri parce que là moi j'en peux plus, enfin Tout c'était à l'heure, assez incroyable. on parlait de Gasly en 2019 qui s'est pris maintes et maintes fois par Marco sur ses crashs de l'Espagne en essai hivernaux et tout ça. Et ils ont refait la même erreur en fait avec lui parce que finalement il a fait une erreur à Imola. On lui a dit oh là là, faut plus la refaire, tu peux pas casser la voiture en qualif. Et derrière, il casse la voiture, il dit mais tu peux pas continuer à casser la voiture. Et en fait, maintenant, ben, il en a un point où il a peur. Et vraiment, je pense qu'il a peur au volant parce qu'il sait que il n'arrive pas à trouver sa limite, la voiture est un peu compliquée pour ça, et quand il cherche la limite, il la dépasse et il sort, et quand il sort, il casse. Et c'est vrai que, de mémoire, il a cassé en Hongrie et en France, et à chaque fois, il était dépité, et le lendemain, il faisait une performance pourrie, et parce que bah, je pense que il est tétanisé, en fait, donc il va falloir qu'ils arrivent à lui remettre l'esprit en place, parce que, encore une fois, il n'est pas devenu mauvais du jour au lendemain, et en début de saison, il montrait de belles choses, notamment en vitesse pure, où il était vraiment très très bon. Et je pense que Tsunoda mérite bien mieux que ce qu'il montre actuellement. Et là, c'est vrai qu'il prend une seconde 7 au dernier Grand Prix d'avant en qualif. C'est pas possible, quoi. Mais là, ça va être à Red Bull et à Franz Tost, peut-être, de le protéger de Red Bull, en fait, en disant, voilà, nous, je m'occupe de mon pilote, laissez-moi faire, quoi. Parce que je pense que l'entourage Helmut Marko, ça va faire dégoupiller Tsunoda encore plus d'ici un moment, quoi. C'est ça, parce qu'on sait qu'Helmut Marko aime bien faire ses débriefs le lundi ou le mardi avec ses pilotes, et puis il est quand même assez virulent dès que ça se fasse même un petit peu mal. C'est ça. Et je pense qu'un japonais, lui, n'est pas habitué dans sa culture à être sermonné déjà, à être dans ce genre d'attitude de confrontation. C'est pas du tout dans la culture du pays, donc je pense que c'est pas non plus dans la culture de Tsunoda. Et si on ne laisse pas effectivement revenir à son mode de fonctionnement du début d'année où on lui essaye, fait des erreurs et tout ça, ça y est, il sera muselé pour le compte et on ne le retrouvera pas du tout. Voilà, s'il y avait un exemple à donner sur le côté sur l'importance psychologique de la psychologie en F1, c'est Tsunoda, c'est l'exemple rêvé pour montrer finalement que la psychologie en F1 a tout son sens dans la performance, quoi. Et que j'ai l'impression pilote, pourtant chez AlphaTauri, on lui a mis un nouveau contrat. Ils font alors le début, effectivement, ils étaient très virulents. Mais à partir du moment où ils ont vu que c'était pas la bonne strat, j'ai quand même l'impression que ça s'est un peu adouci, que c'est voilà, qu'ils essayent d'un peu plus le soutenir. Mais lui ne se soutient plus lui-même. C'est-à-dire que là, il est là en train de dire non, mais de toute façon, c'est une catastrophe. C'est un peu voilà, je parlais de ça quand Charles Leclerc le faisait en 2019 et I am stupid, ouais. Machin. Enfin voilà, il avait l'impression qu'à chaque fois qu'il faisait une petite erreur, c'était un drame. Mais lui, ça le boostait. Tsunoda, ça ne l'aide pas trop, donc c'est un peu complexe pour lui. Derrière, bah là, on va parler enfin de notre équipe préférée, hein, ça y est, les As, hein, Nikita Mazepin et Schumacher qui font 18e et abandon. Mazepin, superbe, hein, 4 secondes en qualif. Alors, Mazepin, je pense que c'est tout simplement son pire week-end de la saison. Ça a été, il se prend 3 secondes 9 en qualif, juste avant la dernière tentative, il était quand même à 4 secondes et demie de Schumacher. Heureusement, il est dans les 107% parce que on compte le meilleur temps de la Q1 pour savoir s'il est dans les 107% et si on prend le meilleur temps de la qualification, il n'y est pas. Mais les conditions changeaient, donc il est sauvé pour ça. Et puis le lendemain, non seulement il tasse Tsunoda dans le mur, il manque encore de mettre un pilote dans le mur parce qu'il se décale au dernier moment. Et en plus, son meilleur tour en course est une seconde et demie plus lent que celui de Schumacher. Donc c'est vraiment catastrophique, quoi. C'est très très dur. Je vais te retrouver, enfin, il faut que je retrouve les chiffres, mais c'est catastrophique. C'est son pire week-end, je pense. Mais il finit devant Schumacher, qui sort de fini pas, mais il finit devant. Donc, moi, je dis bravo. C'est une seconde et demie, ouais, les deux tours. C'est horrible. Est-ce qu'on sait pourquoi ils ont arrêté Schumacher, d'ailleurs Il mettait une valise à Mazepin ou il avait un vrai problème sur la voiture, moi, je crois qu'ils ont rencontré des problèmes, mais ce qu'ils n'ont pas réussi à identifier pendant la course, c'est juste que la voiture ne fonctionnait plus et du coup, ils n'ont pas voulu, voyant que la fin de course allait être compliquée, ils n'ont pas voulu, j'imagine, casser la voiture, hein, tout simplement. Ouais, comme ça, Mazepin est aussi classé devant Schumacher sur ce Grand Prix-là, à domicile. Est-ce qu'ils ont essayé de l'éteindre et de la rallumer? Ça fonctionne bien quand on ne connaît pas le problème en général. Mais là, bon, c'était compliqué. Et puis entre les deux, on a Nicolas Latifi qui a été aussi au contrat. Alors, donc, a fait un week-end un peu plus anonyme que ce qu'on avait vu ces derniers temps pour lui. Mais bon, voilà, c'est pas non plus. Il a été solide quand même. Oui, voilà, il a fait le boulot qui était attendu de lui. Mais c'est vrai que, en fait, ces derniers temps, on avait plus l'habitude de le voir être proche de Russell. Sans la pénalité, je pense qu'il aurait été pas mal. Oui. Hein, parce que Russell fait une 48-3 en Q1 et Latifi fait une 48-2. Il était au niveau de Russell en termes de chrono, c'est juste qu'en Q2 il fait pas de chrono parce que de toute façon il a une pénalité. Et après il part 17ème, donc forcément c'est compliqué. Mais je pense que avoir ses performances, à mon avis, il jouait le top 10 quand même. Et vraiment, il a l'air de. Enfin, lui, encore une fois, son statut de pilote payeur est en train de partir en fumée. Donc, à continuer sur cette lancée. Oui, et puis on sent aussi que pour Latifi, depuis que Russell est part chez Mercedes, au niveau psychologique, pour une fois aussi, ça va mieux parce qu'il sait qu'il va être le leader l'année prochaine. même si Albon a quand même une certaine expérience aussi de la F1, je pense aussi que ça doit jouer dans le bon sens de ce côté-là. Effectivement, depuis 2-3 Grands Prix, il est dans les chronos de Russell. Hein, donc attention à Latifi. Si j'étais avec Albon, je serais très, très inquiet. Parce que s'il est derrière Latifi l'an prochain, alors, faudra espérer, franchement, s'il est derrière Latifi, il faudra espérer que Latifi sorte des performances de choix. Parce que si il fait pas des trucs étincelants et qui est derrière, là, Albon, pour moi, c'est un enterrement de première classe de sa carrière de F1. Hein. C'est un peu le cadeau piégé, ce volant. C'est ça. On le met là en se disant, allez, il va aller se mettre contre Latifi, il va lui mettre une pilule, il va se reconstruire une image. Sauf que Latifi, il est en train de montrer qu'il a quasiment le niveau de Russell à certains moments. Voilà, c'est un petit peu... c'est une très, très belle progression. Parce que j'avoue que, voilà, au début, j'ai, comme tout le monde, hein, on pourrait peut-être payant et voilà, on pensait pas grand-chose de plus. Puis je vais commencer à me dire, il fait un peu de Giovinazzi, tu vois, il prend la mesure et il fait des trucs pas mal. Bah, je trouve qu'il fait mieux, hein, franchement, que Giovinazzi sur la progression en carrière pour l'instant. Vraiment, il est quand même passé de « il a rien à faire sur une grille de F1 » à « il est pas mal du tout et il va pouvoir porter Williams l'an prochain ». Et puis faut pas oublier que son début de carrière était catastrophique. C'est quand même la saison Covid où il fait ses essais hivernaux et derrière, il touche plus un volant pendant 4 mois, quoi. Donc... Il y a beaucoup de choses. Enfin, encore une fois, Williams l'an dernier, c'était pas Williams cette année. C'était une gestion de la famille Williams encore quand il est arrivé. Et vraiment, je pense que peu de monde se rend compte à quel point Latifi a débuté dans des conditions exécrables en F1. Et le temps qu'il lui a fallu, c'est peut-être aussi ça. C'est le temps que l'équipe, elle aussi, reparte du bon pied, quoi. Très clairement. En tout cas, évidemment, on verra ce que ça donnera sur la fin de saison pour Nicolas Latifi et pour tout le monde. En parlant de cette fin de saison, quelle belle transition. C'est notre dernier petit point. Alors au début, on s'était dit, voilà, quel Grand Prix pour remplacer le Grand Prix d'Australie, puisque ça n'a toujours pas été annoncé. Voilà, ça prend... Bon, merci Christian Horner, qui est un fidèle auditeur, bien sûr, de Grand Prix. On lui passe le bonjour, d'ailleurs. Voilà, on lui passe le bonjour. Merci, Christian, toutes les semaines. Bien sûr, on t'apprécie. Tu peux venir mettre un petit message dans le chat quand tu veux. Mais du coup, voilà, il a vu, on a mis le programme de l'émission fin de matinée. Il a dit non, mais attendez, on va les aider tout de suite. Et donc, il est sorti dans la presse sur Serbus TV. Il a expliqué que globalement, ça c'est quand même très fort, mais il a dit, ah non, mais c'est bon, demain ils annoncent le Qatar, vous inquiétez pas, mais chut, hein, je l'ai pas dit. Rassurez-vous, je n'ai rien dit. Donc visiblement, on va aller au Qatar. Du coup, à Losail, le circuit qui accueille déjà la moto. On sait juste la seule chose pour moi qu'on ne sait pas clairement pour l'instant, et c'est peut-être demain qu'on l'apprendra si c'est effectivement annoncé demain. C'est est-ce que ce sera de nuit ou de jour, ouais. ce Grand Prix du Qatar. Mais voilà, c'est un circuit, monsieur, bah, qui est ma foi intéressant pour la F1. C'est ça. Minuit, mi-jour, peut-être. On ne sait pas, on verra. Ah, oui. Voilà, coucher le soleil. Non, parce que comme... En fait, ils ne peuvent pas, parce que le Bahreïn, donc, c'est le Grand Prix de nuit. Abu Dhabi, c'est le Grand Prix qui démarre... Donc, en fait, ils vont commencer de nuit et ils vont finir de jour. Ça va partir à 5h du mat. Ça va être imbuvable, hein, mais ça va être... C'est le Grand Prix à l'aube. Ouais, drapeau rouge pendant toute la nuit. on reste devant la télé. Un petit goût de spa. Gaëtan Vigneron meuble toute la nuit. Voilà, il se débrouille comme il veut et il est seul là. Non, mais c'est sympa. Le circuit, c'est un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu un Bahreïn avec moins de lignes droites et plus plat en fait. Il y a beaucoup de freinage en appui, beaucoup de courbes moyennes. Il n'y a pas les grosses, c'est pas là, notamment les deux grosses lignes droites de Bahreïn. Il n'y en a qu'une ligne droite vraiment au Qatar qui est assez importante, je crois, de mémoire. Et la piste est assez plate hein, si. Tu m'arrêtes, Michael, mais de toute façon, vu qu'ils ont la moto, forcément, ils ont un cahier des charges assez obligatoire au niveau de l'asphalte. Et puis oui, ça a un petit peu une physionomie à la Bahreïn et beaucoup de freinage en appui. Donc, potentiellement encore un grand duel Mercedes-Red Bull si on se fie à ce qu'il y avait eu à Bahreïn. Je mettrais quand même un petit avantage Red Bull, vu le nombre de virages. Mais bon, ouais. C'est vrai. Perso. Si certains trouvent que Bahreïn, ça fait très désert, hein, déjà comme ambiance, c'est pire. Hein, le Qatar, c'est-à-dire que c'est en plein milieu du désert. C'est-à-dire qu'ils sont 500 km² de sable et puis il y a un circuit au milieu. Ouais, bon, c'est très sympa. Mais bon, voilà, de nuit, ça fait des chouettes petites images. Et puis attention, parce que quand même, là, on va se dire, voilà, Xan se dit, on annonce de la pluie encore, mais n'oubliez pas qu'il y a un Grand Prix du Qatar MotoGP qui a été reporté au lundi parce qu'il a plu. Il a plu à verse dans le désert, donc c'est possible. On n'est pas encore à l'abri. Mais c'est un circuit qui a, je crois qu'il est sorti de terre, alors ça devait être 2004, hein, je pense que c'est arrivé en MotoGP en même temps que Bahreïn en F1. C'est un circuit qui est grade 1 depuis le début, donc vraiment qui est un circuit de, qui aura pu accueillir la Formule 1 d'ailleurs dès la première année, qui va donc enfin 2004. Le faire. Enfin, c'est Bahreïn qui a fait blocus hein, dès le départ, et ensuite Abu Dhabi aussi. Donc, c'est ça. Le Qatar n'avait pas son mot à dire suite à ces deux signatures-là, et tant que ces deux Grands Prix-là étaient au calendrier, le Qatar n'avait pas son mot à dire. Mais voilà, bon, la nécessité de combler le calendrier a fait que le Qatar a enfin son mot à dire. Mais à mon avis, ils doivent verser au moins dans les 30 ou 40 millions de dollars, là, je pense. Ouais, ouais. Il doit avoir un gros forfait façon Chine ou Bahreïn. Ouais. J'avais vu aussi des gens qui se demandaient pourquoi est-ce qu'on ne va pas à Dubaï. Bah, simplement parce qu'Abu Dhabi dit bonjour, nous sommes le Grand Prix de Formule 1 des Émirats Arabes Unis, merci. Et il n'y en a pas d'autres, au revoir et cordialement. Voilà, et c'est donc globalement pour ça qu'on n'ira pas à Dubaï avant 50 ans, hein. À ce rythme-là, ça va être compliqué. Donc là, ouais, effectivement, le Qatar. Dites-vous que Nigel Mansell a gagné à Losail en Grand Prix Masters. Et ça, un jour, on vous fera évidemment une émission entière sur le Grand Prix Masters, sur pourquoi est-ce qu'il faudrait relancer cette compétition de Formule 1 avec des vieilles gloires. Mais il y avait du GP2 Asia aussi, c'est à peu près ça, au niveau monoplace, les plus hauts niveaux de compétition qui étaient là-bas. C'est Nico Hülkenberg qui a le record du tour du circuit. Je tiens à le dire, c'est formidable. Mais ça va évidemment être battu. On peut être tendu. Allez, ça peut être une 16, une 17, hein, je pense, les chronos. Est-ce qu'une F1 a déjà tourné là-bas? Même en démo, un tour complet. Je crois pas. Hein. Je pense pas du tout. Non, je pense pas, effectivement. Non, je crois pas, parce qu'effectivement, il n'y aurait pas eu de raison, à mon avis. Renault n'y était pas allé une fois. Alors, Renault l'a peut-être fait, mais c'était peut-être en ville au Qatar. Peut-être à Doha directement, sur un roadshow, mais. Non, il n'y a pas eu de. Pas eu de tour. Et pour ceux qui voudront le conduire dans la F1 2021, et ben vous ne pourrez pas, parce qu'ils ne vont pas l'ajouter non plus. Vous pourrez vous gratter, tout à fait. Ce sera comme la Turquie, ce ne sera pas ajouté. Codemaster est en PLS. Hein, donc, Ouais, bah déjà, ils ont ajouté Portimao, ils vont ajouter Imola et puis Jeddah. Ouais. Et pour le reste, ce sera F1 2022 si les circuits seront conduits. Jeddah qu'on pourra découvrir avant le Grand Prix quand même. C'est toujours assez chouette ce genre de choses. C'est vrai. On pourra rouler dessus avant le Grand Prix. Alors, si c'est comme souvent avec Codemaster, on roulera dessus puis on se rendra compte que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en vrai, mais au moins on aura roulé sur un truc qui ressemble. Donc ce sera plutôt chouette. C'est vrai qu'il faut encore changer Barcelone dans F1 2021. Il faut changer Abu Dhabi maintenant aussi, ils sont ravis. Melbourne, hein, bien sûr. Abu Dhabi, les travaux avancent bien d'ailleurs. Ils ont quasiment fait l'asphalte là. Par contre, après dans le jeu, Melbourne, je pense qu'ils ne le changeront pas vu que la F1 il va pas, il n'y aura pas de changement. Bah, ils peuvent changer pour la fin 2022, peut-être au moins, mais ça faut espérer. Peut-être qu'à partir de 2023, on demandera à Codemaster quel circuit vous avez en stock et on fera le calendrier en fonction. Oh, mais t'imagines la tristesse infernale, genre ils font Dubaï et puis ils s'asseyent dessus pendant 25 ans. Il est prêt! Non, ils pourraient faire, je sais pas moi, Bathurst, un peu de Forza Horizon aussi, tiens, un truc un peu fou, quoi, voilà. Hein, ils vont sortir dans F1 2022 en mode Battle Royale, on va voir flou. Hein, ça va être extraordinaire cette affaire. Non, mais voilà, donc ça devrait être effectivement le Grand Prix du Qatar qui devrait être annoncé demain, qui prendra la place du Grand Prix d'Australie. Voilà, c'est honnêtement, c'est pas un circuit. Tu parlais de Bahreïn, ouais, c'est ça, c'est un peu. Moi, j'ai un peu dans l'idée de Sochi, en fait. C'est-à-dire que c'est beaucoup de virages à moyenne et basse vitesse pour une F1. Donc, ce sera pas. Voilà. C'est peut-être le Bahreïn long, en fait, qu'on a vu qu'une année. Ouais, c'est un peu, ouais, c'est un peu le même style, mais c'est. Ça, c'est pas encourageant. Non. Voilà, c'est honnêtement pas un circuit qui va. qui, sur le papier, nous donnera un grand prix extraordinaire. Mais heureusement, on sort de Sochi qui était merveilleux. Donc voilà. Alors, on est dans une saison qui pourrait le rendre exceptionnel. On nous pose la question de savoir Montréal devient quoi. Alors Montréal, il faut savoir que tant que Latifi roulera en F1, on n'ira pas. Voilà. Il n'aura pas place au Grand Prix national. Regardez-moi avec ça. ce sera terrible pour Nicolas Latifi. Non, Montréal, rassurez-vous. Bah, tiens, ça demande Montréal devient quoi. Le circuit est toujours tip-top hein, parce que voilà, on tient bien. Par contre, le circuit de Shanghai en Chine, c'est plus compliqué. Hein, j'ai vu encore là, des captures d'écran qui sont passées sur Twitter parce qu'il y a des courses locales de voitures de tourisme. Mais on dirait un circuit grade 3. C'est affreux. Il est. Je vais essayer peut-être de vous montrer un petit peu, les amis. Mais il est vraiment très, très mal tenu. Alors après, en fait, c'est du cosmétique. Hein, tout ça, voilà, on remet un coup de peinture, machin. Mais ils n'ont pas fait l'effort de garder des coups de peinture, si vous voulez. Quoi. C'est vraiment... Je vais réussir à trouver les captures. Alors, où est-ce que je vous mets... Oui. Je viens d'avoir l'herbe n'est pas tendue, effectivement. Je vais vous mettre ça sur l'écran, mais c'est l'herbe, les murs, enfin, tout est un peu... Pour les vaches. les vaches qui sont là, on a les biquettes qui tondent aussi également. Voilà, regardez, hein, c'est assez cool. Voilà. Ça, c'est accueilli de la Formule 1, on vous rappelle quand même. Hein, c'est... oh la vache. C'est compliqué. Hein, c'est très. Shanghai, donc. Ouais, c'est le circuit de Shanghai qui est. Mais comme quoi, ça prouve quand même que. Une semaine, ils te refont tout ça. Tu sais, ils montent des hôpitaux en 10 jours là-bas. Donc, Oui, non, mais voilà, il n'y a pas de souci. Je veux dire, un petit coup de tondeuse. mais moi, je trouve que ça, au-delà du fait que là, c'est pas tondu, machin, mais on voit les murs de pneus derrière. C'est vraiment le truc pour dire que le grade 1 de la FIA, c'est vraiment un truc qui demande à ce que ce soit quand même entretenu, si vous voulez, pour que voilà, ça ait ce look très. Très aseptisé un petit peu. C'est avant les moissons, ça, souci. T'as passé les photos avant les moissons. Non, là, c'était assez spectaculaire. Mais bon, là, évidemment, la Chine, je commence à me dire qu'on n'y retournera pas de façon de sitôt. Donc, effectivement, ils ont le temps pour remettre le circuit en état. Même pas sur White Indicat. On dirait même pas un circuit IndyCar. Même en IndyCar, ils diraient non, mais allez, mettez un sponsor quelque part, faites quelque chose. Mais enfin, donnez-nous un petit peu de trucs pour travailler. Quoi. Non, mais c'était assez. Assez fou quand j'ai vu ces images. Allez, comme il est déjà 22h11, on a déjà fait un petit peu de rap. Visiblement, on veut parler de ce qu'on a vu parce que c'est tombé juste avant l'émission. Enfin, c'est tombé. En tout cas, c'est citamment Automotor und Sport qui annonce, c'est Michael Schmidt, qui en général est très très bien renseigné, le gaillard, sur ces infos. Globalement, on va avoir apparemment donc les nouvelles règles moteurs qui arriveront en 2026, le nouveau règlement qui avance bien. Ça, c'est déjà une bonne chose, évidemment, qui devrait pas tarder à être annoncée. Et alors, visiblement, ça nous amènerait peut-être Audi et Porsche en F1, cette affaire. Bon, prendre avec les pincettes d'usage, je pense, messieurs, que, allez, depuis qu'on regarde la Formule 1, ça va être la 14e fois qu'on nous en parle, mais il semblerait que Audi et Porsche aient mis, en fait, comme condition, d'après les informations donc, de Amus, aient mis comme condition sine qua non pour venir en Formule 1 d'enlever le MGU-H. Et visiblement, ils auraient dit oui. Donc, ouais, le MGU-H, effectivement, ça semble bien parti pour disparaître. C'était la condition. C'est vraiment la technologie la plus complexe qui apporte des chevaux, hein, quand même, qui a son mot à dire en F1, mais qui est très complexe, effectivement, à maîtriser et à domestiquer. Quand on sait que les moteurs de F1 aujourd'hui se jouent entre 10, 15, 20 chevaux, entre un très bon MGU-H et un MGU-H débutant, on y est sur ces 20 chevaux. Donc voilà, pourquoi faire regarder une technologie qui, effectivement, apporte peu de choses pour beaucoup de complexité. Donc si on veut faire intervenir un nouvel acteur, il faut ça. Effectivement, tu as une partie du V6 qui serait aussi standardisée, donc toute la partie bas moteur qui serait standardisée, effectivement, pour éviter à Audi et Porsche de redévelopper cette partie-là, qui est la plus critique en termes de tenue de pression aussi de contraintes. Donc, voilà, donc ça permettrait effectivement à Audi et Porsche de se passer de cette partie-là. La partie haute du moteur, donc bloc cylindre, culasse, soupape, admission resterait effectivement libre à chaque motoriste, heureusement, qui a cette partie un petit peu libre. Et la partie électrique donc ferait 350 kW, soit environ 470 chevaux, je crois. Donc ce serait absolument énorme, ce qui pour moi veut dire que si on perd le MGU-H, ça ne suffit pas pour compenser le surplus électrique. Il faudrait aussi réduire la taille du turbo. Donc on attend effectivement les règles moteurs établies. Mais bon, ça doit être suite aux discussions de Monza qu'on est arrivé sur cet accord-là. Par contre, Audi et Porsche, j'ai un doute. À un moment donné, ce sera Audi ou Porsche. Oui, ou alors, c'est le groupe, je pense. Donc voilà, donc quelle marque du groupe sera choisie. Je mettrai une bonne pièce, effectivement, sur une alliance avec Red Bull Powertrains là-dessus, sans aucune certitude non plus. Ça peut être aussi une équipe, une toute nouvelle équipe. Hein. Il y a de la place en F1 pour accueillir des équipes encore. Hein. Rappelons que la grille de F1 est limitée à 12 ou 13. Donc, on peut y aller facilement. Il suffit d'un appel d'offres de la FIA qui serait évidemment remporté par Audi et ou Porsche. Affaire à suivre, moi je dis. Après, c'est une bonne nouvelle. Il se met même aussi, par exemple, 4 nouveaux pilotes. Non, c'est motoriste. Motoriste. Hein, on ne vous dit pas qu'Audi et Porsche vont venir en tant qu'équipe d'usine de Formule 1. Hein, restons calmes. Lucas Di Grassi viendra. Franck, si c'est ça, j'arrête de travailler pour Next Gen. Je peux plus concevoir assez de fausses pubs. Là, moi, je vais m'en occuper. C'est plus possible à un moment donné, ça. Mais en tout cas, bon, effectivement, de ce que dit Amus, ce serait peut-être Porsche et Audi. Cela dit, ce ne serait pas la première fois, évidemment, qu'ils feraient rentrer ces deux marques en compétition dans les mêmes. Dans les mêmes compètes, justement, mais voilà, ce serait assez sympa. Je vois Abdel dans le chat qui nous demande des trucs sur Gasly et tout. Oui, effectivement, peut-être qu'on a demandé à Gasly de laisser passer Verstappen, c'est autorisé, hein, on a le droit, donc de toute façon, il n'y a pas de polémique là-dessus. Manu, toi, sur Porsche et Audi et tout ce qui est en train de se dire là. La question que je me demande, c'est est-ce qu'ils auraient le droit de badger deux moteurs de même, enfin, d'un nom différent en ayant le même moteur. En fait, je sais pas comment ça marche commercialement. Bah, tu as bien si Renault et Tagueyur à l'époque. Hein. Ouais, donc voilà, c'est peut-être ce qu'ils feront finalement. Mais après, clairement, ça sent la reprise des infrastructures de Red Bull Powertrains, qui comme ça éviterait de devenir un motoriste à part entière, ou en tout cas pourrait bénéficier du soutien et de l'expertise d'un grand constructeur qui maîtrise les systèmes hybrides, hein, puisque ils ont déjà travaillé dessus au Mans. Après, je pense que ouais, c'est ça me paraît bizarre qu'ils engagent les deux marques dans l'idée, mais bon, notamment Audi qui a déjà beaucoup de programmes à côté. Pour l'instant, Porsche, ils auront le WEC, mais ça, c'est compétition client essentiellement. Après, il faudra voir comment ça se passe pour eux, mais c'est vrai que ça peut être très très bien d'avoir des nouveaux motoristes en F1 de toute façon. Mais ouais, je pense que le compromis est trouvé. Après, encore une fois, le groupe Volkswagen, il faut voir que c'est un groupe qui dépend beaucoup de la pression. Lié à tout ce qui est environnemental et à tout ce qui est à des actionnaires par rapport à l'image du groupe. Et c'est déjà une deadline qui est loin, 2025-2026, et c'est pas impossible que d'ici là, ça déraille encore, parce que ce qui dépend d'un directoire qui est très complexe et qui est très, très frileux avec les mutations que connaît le marché actuellement. Et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas de nouveaux motoristes, en fait. C'est parce que le marché connaît des grosses mutations et les directoires sont un peu frileux de se lancer dans des programmes comme ça, surtout que l'hybride n'est pas amené à être très pérenne dans les décennies à venir. Donc, après, à voir, mais bon. Pour Audi, moi, je me dis que c'est peut-être pas si bête parce qu'effectivement, ils électrisent de plus en plus. Et si on passerait à environ 470 chevaux de puissance électrique, si à côté, on fait en sorte de réduire la voilure sur le thermique, parce que beaucoup commencent déjà à partir dans les réseaux sociaux en se disant « ça y est, le retour des moteurs à 1500 chevaux, machin ». Ça ne veut pas dire, c'est non. Pas parce qu'ils avaient 300 chevaux électriques qu'ils vont forcément laisser le même thermique. Moi, je pense qu'ils vont baisser un peu le thermique. Donc, du coup, la part de l'électrique serait plus grande dans la puissance développée. Ça va tout à fait avec la volonté d'Audi d'électriser sa gamme et de partir dans des compétitions plus électriques, justement. Donc, il n'est pas sûr non plus que les moteurs ne soient pas designés, par exemple, pour que les arrêts au stand se fassent entièrement en électrique. Oui. C'est pas impossible qu'il y ait des choses comme ça qui se mettent en place parce que les sports aujourd'hui. Vont vers une électrification qui est inéluctable, mais évidemment la F1 veut garder ce côté authentique, bruyant, etc. Après, pourquoi pas faire tout ce qui est un in-lap par exemple ou un out-lap en électrique, les arrêts en électrique, les tours de mise en grille, etc. Donc c'est possible aussi que les capacités de batterie, capacités de moteur soient plus importantes pour gérer ça et pas forcément pour juste donner de la puissance en plus. Quoi. Ouais, ou de l'hybride rechargeable, tu t'arrêtes au stand, on lui remet de l'essence, tu plugues l'électricité. Des arrêts de 15 minutes. Ah, ce serait extraordinaire. Et oui, ça veut dire qu'il rentre au stand. Bottas, il irait faire un café, c'est genre normal. Façon station-service. Et là t'aurais Gaëtan, oh, c'est long, 16 minutes, 16 minutes 30, maintenant il perd 1 minute 25, c'est fini. Ce serait génial à regarder. Il serait parti aux toilettes. Mais quoi que, j'ai vu que maintenant ça développait, apparemment on est en train de vouloir développer potentiellement pour pouvoir recharger des véhicules électriques en 90 secondes. Qui sait, ouais. Ça peut être des choses où un jour le sport auto contribue à aider ce genre de choses. Moi, ce qui me fait quand même, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais 470 chevaux électriques, pour info, c'est plus qu'une Formule 1. Globalement, qu'on imaginerait. Voilà, c'est comme si vous preniez une Formule 1, d'ailleurs, vous mettez une Formule 2 pour la pousser en plus. Et ben, c'est pas encore pareil. La Formule 1 va se faire un malin plaisir à ne pas communiquer avec la Formule 2, mais à lui mettre une petite rousse quand elle va se mettre à quelque chose de plus électrifié. Mais non, mais ça, non. C'est... La Formule 2 va se contenter de développer 470 chevaux. Juste pour dire qu'ils en ont un de plus que la F1. Comme ça. Et Louis nous demande effectivement, mais du coup, la limite des 2 heures, si on a des arrêts de 15 minutes, est-ce qu'elles sautent effectivement, ça devient 2 heures en piste. Ça devient plus compliqué. Mais non, ils feront des zones. Tu auras une zone, en fait, un long lap qui sera rechargeable. Hein, vous savez, les fameuses routes. Induction. Voilà, à induction comme ça, mais ils devront le prendre 3 fois dans le Grand Prix. Des stratégies de fou. Et là, du coup, ça viendrait la formule quand même. Hein. Ah oui, bah, il y aura des panneaux, machin, des étoiles façon Mario Kart, tout ça. Non, ça sera super, vraiment. La F1 2026, attendez ça avec grand plaisir. Voilà. Là, c'est ça. Ça va être assez formidable. Mais bon, franchement. 2050, ça, c'est pas avant. Hein. Oui, effectivement, non, ça va pas être tout de suite à faire. Je pense quand même. Oh merde, ça les audits, tu fais comme les autotamponneuses. Alors moi, je te prends, et demain, Xoaz, je t'emmène au circuit de Spa-Francorchamps et tu leur fais le pitch, leur dire qu'ils vont devoir mettre 7 km de grillage au-dessus, enfin 7 km. Ah, imaginez la superficie de grillage au-dessus avec les antennes des F1. Ah, ça va être beau ça. Singapour est prêt. Ils colleront ça directement sous l'autoroute à Singapour. Ah, mais ça va être formidable, ça serait extraordinaire. Ils ont déjà des projecteurs à Singapour, ils n'ont plus qu'à attendre. Le réseau est déjà prêt là-bas. Ah putain. Ah non, mais là, ce serait. On n'a pas de pétrole, mais exactement. C'est exact. Ouais, c'est fait, hein. Ah, mais ah, là, faut pas que les amis d'Afrique et tout. Imaginez si nos discussions tombent entre de mauvaises mains et que quelqu'un crée un championnat comme ça. Ah bah, ça les Guénotos serait... ont été précurseurs du coup. Voilà. Faut oublier que dans 15 ans, Lucas Di Grassi sera président de la FIA, donc on peut largement en arriver là. Mais non, mais ça copyright quand même, parce qu'on en reparlera. Ouais. Ouais. Il y aura des banking partout. Moi, j'achète. Personnellement, on me vend ça, je dis oui, sans aucun problème. Bon, en tout cas, bah, écoutez, on a quasiment fait 2 heures ce soir, mais en même temps, il y avait de quoi dire, évidemment, sur ce beau Grand Prix de Russie remporté par Lewis Hamilton. La 100e victoire de Lewis Hamilton, hein, évidemment, en Formule 1, il fallait bien sûr en parler. Et puis aussi, voilà, toutes ces nouvelles informations et bruits de couloir qui semblent être quand même plus que des bruits de couloir, dirons-nous. Pour l'instant, on avait évidemment envie de vous en parler. On revient la semaine prochaine. Attention, je vais d'ailleurs vérifier si ma scène de fin est bien correcte, mais attention, Grand Prix la semaine prochaine revient non pas mardi, mais lundi, exceptionnellement. Nous nous retrouverons donc lundi pour continuer évidemment de débriefer tout ce beau monde de la Formule 1. Si vous n'en avez pas eu assez, parce que je sais que vous adorez les sports mécaniques, bien sûr, si vous n'en avez pas eu assez, ben, rassurez-vous, vous pouvez prendre une nouvelle ration de sport auto jeudi et de sport mécanique tout court parce qu'il y a également la moto bien sûr jeudi avec le Racing Café qui reviendra bien sûr sur ce Grand Prix de Russie également sur la finale de l'IndyCar qui a eu lieu ce week-end. Merci beaucoup Manu, merci Franck pour cette très belle émission. Merci à tous, merci beaucoup au chat, chat vraiment qui a été encore une fois superbe et puis on se retrouve du coup lundi prochain pour Grand Prix. Ciao ciao, ciao.